Peak Avenger, votre émission, si vous l'acceptez, est d'informer le monde entier sur la pop culture d'ici et d'ailleurs. Vous disposerez de casques, de micros et d'un rayonnement international avec la couverture d'une des stars. C'est pas un peu trop leur demander d'informer 8 milliards d'humains et de couvrir l'intégralité des films, des séries, des mangas, de la musique, des jeux vidéo, tout ça, tout ça? Bah, c'est les Peak Avengers ou c'est pas les Peak Avengers? Et oui, c'est les Peak Avengers, oui, la rentrée... Bah la rentrée des classes, hein, quand même, on peut dire, n'est-ce pas Thierry? Ah, ça va être une émission de toute beauté parce qu'il me semble qu'on va avoir des secrets de police ce soir. Oui, puis évidemment avec nous avons Daniel aussi. Et oui, Daniel il est là hein, pour la police, il va être là. Hein, alors où aura-t-on la police? Il va falloir être police ce soir. Ouais, ouais, ouais, il va falloir être très police. Mais ouais. Nous sommes déjà policés. Ah, mon petit polisson. Mais d'ailleurs, on peut même dire qu'on a déjà attrapé notre premier criminel avec le petit Pika qui est là, qu'on peut voir. On lui a déjà placé les menottes d'ailleurs. Il avait des jolies petites quenottes et on lui a mis des petites menottes. Il manque plus que le bracelet électronique, mais enfin on a besoin de tellement de branchements qu'on n'a pas osé. Hein. Ouais, c'est ça. Ça va devenir compliqué. Puis franchement, l'électricité avec Pika, on s'est dit il fournit bien. Truc, hein. Il fournit bien déjà. Ça serait bien qu'il nous en produise plein de gratos là, parce que on va gratter plutôt ce que gratos. Hein. C'est ça. Donc ce soir, émission sur la police. Donc un petit peu parler de la police dans la pop culture. Thierry, tu nous as préparé quoi? Ah bon, on va aller de la réalité à la fiction et vice versa. Donc vous allez avoir un petit brin d'histoire parce que je crois que ça me colle à la peau. Même quand j'essaye d'en sortir, on me recolle l'histoire. Ça, vous allez en avoir, mais on va pas toujours raconter, faire des petites anecdotes qui sont intéressantes. Et puis je vais vous parler des musées du crime. Oula. Ça c'est pas mal à visiter. Moi je voulais visiter un commissariat. Bon, ce sera pour une autre fois, hein, quand j'aurai vraiment fait quelque chose. Et puis on parlera du jargon policier aussi, manipuler avec un petit peu de modération, ça veut pas trop d'ennui. Voilà, tout un programme. Oui, un programme assez sympa. Toi Daniel, tu nous prépares quoi? Eh bien moi comme d'habitude, je vais vous emmener voyager. On va partir dans les pays nordiques parce que j'ai découvert qu'ils avaient quand même une façon très à eux de traiter la police dans la pop culture. Alors je vous ai trouvé des pépites, un petit peu comme d'habitude, et qui, je pense, vont en tenter certains d'entre vous. Hein. D'accord. Une petite glace norvégienne? Peut-être. Alors, est-ce une glace à l'eau salée, une glace, ça doit être des glaces fjord d'ailleurs. Ouais. Mi chaud, mi froid, dans un panier à salade. Voilà. J'ai juste une question pour toi, Daniel. Oui. Là, on voit que tu as un petit cochon à côté de toi, qui est assis sur une chaise. Oui, complètement. Alors, c'est notre cher Bébert, ouais, qui est la mascotte, qui est devenue donc la mascotte Disney Star. Ouais, la mascotte officielle. Et, complètement, c'est la mascotte officielle, je crois qu'on peut dire. Si on avait d'ailleurs un site internet, il s'appellerait Bébert mascotte officielle Disney Star. .fr ou .com même carrément. Et on l'a enfermé avec nous dans notre cellule parce qu'il nous a joué des tours de cochon forcément. Oui, bah oui. Mais enfin, on y a donné à manger, on y a amené ce qu'il fallait. Pika, il a ce qu'il faut, il a mis les doigts dans la prise pour manger des châtaignes. Et donc, oui, moi pour finir, donc je vais vous parler d'une série policière Hawaii 5-0, qui est une série assez sympa. Oui. Et donc oui, il y a quelques nouveautés pour l'émission, notamment une. Actuellement, vous pouvez nous voir sur Twitch. Eh oui, vous pouvez nous suivre sur Twitch. Oui. Alors comment on fait pour être suivi sur Twitch? Alors c'est tout simple, on va sur le site d'Indestar et il y a un petit bouton Twitch. Donc on appuie dessus et après on peut venir nous voir, on peut discuter avec nous. Et puis voilà, participer à l'émission aussi, comme ça permet. Oui, et puis vous pourrez même, je crois, interagir avec nous. Oui, interagir avec le chat, jouer avec nous sur un jeu, vu que je suppose que Daniel, tu nous as préparé un petit jeu. Oui, vu que cette semaine, oui, la nouveauté, c'est qu'on va se relayer pour faire les jeux en fin d'émission. Oui. Alors, cette fois-ci, pour la première, pour la rentrée, on m'a dit, Daniel, tu t'y colles. Tu te démerdes. Ouais, alors je me suis démerdé, j'ai appelé la police et je vous raconterai comment on appelle la police finalement. Hein. Ouais, donc t'as appelé la police pour leur demander comment on les appelait. Oh, voilà, mais ça va pas être si simple que ça. Évidemment, d'accord. Sinon ça serait pas un jeu. Ça, alors ça c'est une des nouveautés, mais peut-être que la première nouveauté c'est notre nom. Oui complètement. Nom, qui est Peak Avenger maintenant. Voilà, oui. Pour ceux qui ont la vidéo, vous avez compris pourquoi. Oui. Hein, pour les autres, vous avez entendu Pika, ça doit vous dire quelque chose, oui. Ça pique un peu, non? Le Pikachu. Attrapez-les tous. Ouais, attrapez tous les Peak Avengers. Mais est-ce qu'on peut dire qu'on a évolué aussi un petit peu? Toi, je sais pas. Tu t'es rapproché de moi, moi qui ai pris la place à Daniel. Ouais. Pas volontairement, mais. Un peu par, je par crois obligation. Qu'il a, je crois qu'il a pas pris la grande gueule, par contre. Non, non, non, je l'avais ça, c'est déjà. Sûr. Bon, bah après, prendre la grande gueule de Daniel, c'est compliqué quand même. Ah bah ça, oui, mais ça se fait quand même. Ce qui est bien, c'est qu'il peut s'auto-censurer, c'est lui qui a les boutons maintenant. Oui, j'ai décidé de faire joujou avec les boutons, là, maintenant. Alors, s'il y a des bêtises, vous direz sur le chat, Daniel, t'as déconné, hein. Voilà, et je leur passerai le message. Voilà, parce que c'est Kevin qui, pour aujourd'hui, pour l'instant, va réceptionner les messages, en effet. Oui, c'est moi qui m'occuperai de la partie Twitch. Alors, il y a des choses qui ont changé, mais il y a des choses qui n'ont pas changé, c'est-à-dire qu'on va encore déborder, non? Déborder comme la Loire? En cru? Alors, débordé par les vannes, parce que ça, chez moi, elles sont toujours ouvertes. Ouais, mais ça, certainement, côté horaire. Il me semble qu'on va avoir un invité qui parle pas mal. Hein, quand on l'a rencontré, ça allait. Donc, je pense qu'on va déborder côté horaire facilement. Hein. Oui. À moins que tu le coupes sans arrêt. Mais bon. Après, c'est la marque de fabrique des Peak Avengers maintenant aussi. Un petit peu débordé quand même. Bah, ah oui, sinon, c'est pas marrant. Nous, déjà, ça nous amuserait pas. Je crois qu'on serait pas là, nous, déjà, si on débordait pas. Hein. Ouais, donc, ce qui change pas, l'émission, c'est à peu près ce qu'on faisait avant. Bon, on a quand même les gens les plus importants qui sont là. Les gens les plus importants de la radio, d'Amboise, de l'Indre-et-Loire, de France. On peut aller jusqu'à la planète vu qu'on couvre toute la planète. C'est ce que j'allais dire, autant dire les gens les plus importants du monde. Ouais, alors. Même de l'univers, allez, soyons modestes. Hein, on est resté le jeudi à 21h, on est toujours sur Indestar et on a la spéciale artiste une fois par mois. Toujours. Absolument. Ça, on n'a pas changé. Oui. Peut-être ce qui est nouveau, c'est que nous sommes allés cet été les rencontrer sur le terrain et que ça, c'est aussi sympa. Et qu'on prépare plein de choses, et notamment de la vidéo. C'est ça. Oui, parce qu'il n'y a pas que Twitch en vidéo. Les Peak Avengers ont décidé de mettre la main à la pâte et de s'engager plus en avant avec les artistes et de leur proposer de créer leurs vidéos, de faire des reportages, des interviews filmées. Là, il y aura bientôt un clip vidéo sur un artiste qu'on a reçu la saison dernière. Oui. Le temps de le monter et de... voilà, comme vous savez, on est tous des bénévoles, donc c'est en plus de notre temps. Ça prend du temps, mais on va le faire. On vous informera quand il sera disponible. Bah, j'aurais pas dit mieux, tu vois. Ah bah oui, c'est pour ça que je l'ai dit. Et ça permet, quand on va sur des événements pour rencontrer les artistes, de faire d'autres reportages, puisqu'on peut faire le reportage sur le village où on est allé, sur l'événement lui-même, et donc ça fait une multitude de choses à faire. Voilà, et c'est très bien, t'es tous les trois. Alors Thierry qui faisait l'interview, Kevin qui prenait les photos, et moi qui filmais. Donc c'était... Et qui goûtait les vins. Ouais, c'est ça. Bah évidemment, oui. Oui, Par contre, il y a une chose qui n'a pas changé aussi, évidemment, Indestar Radio Musicale, il y a de la musique aussi qui va arriver. Il y a des tubes. Il n'y a pas que le dentifrice en tube. Ouais, il n'y a pas que ça. Après, Daniel, tu vas nous parler de quelque chose, il me semble. Oui, comme je disais, des polars scandinaves. D'accord. J'ai trouvé qu'ils avaient vraiment une façon assez à eux quand même. Mais je vous expliquerai tout à l'heure. Après, d'accord. C'est tout à l'heure. Tu nous expliques après. Oh, ouais. Alors, comment ça se dit, Nicolas Helg? Oui, je crois, Helg, je crois que c'est ça, oui. Ça dépend d'où il vient, mais ça a l'air un peu nordique aussi, ça. Ouais, c'est ça. C'est un peu pour ça c'est que... C'est un peu merdique aussi, mais bon. Ouais. Et donc, pour Twitch, on revient juste après la musique. I'm too old for this. Been around this broken down for way too long. What was I thinking, babe? All the mistakes I made. I should have never left your side. starry eyed, it's no surprise things went wrong. When you were there for me, you set my worries free. Now I got to change my mind. De la pop culture, c'est les Peak Avengers sur Indestar. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Et pas encore trop vieux, oui. C'est vrai qu'on peut le dire. Pas encore trop vieux, la rentrée, on est tout content d'être là. Ah ouais. Ah mais ouais, ouais. Ça veut dire que tu as redoublé. Ouais, j'ai redoublé. J'ai l'impression qu'on est encore dans la même classe. Ou alors on a tous passé un grand supérieur ensemble. Non, avant c'était PK, maintenant il y a deux lettres en plus, donc c'est un niveau en plus. C'est PK. Pika. Bah, il est content d'ailleurs. Pika. Bah oui, il pleure plus parce que, alors dis donc, le jingle où il pleurait. Ouais, c'est un peu quelque chose. Hein. Pauvre Pika a pleuré, mais bon, on a évolué. Comme les Pokémon, évidemment, vu que bon, autant reprendre avec le petit Pika qu'on voit. Mais il y a. Tu vas nous parler, Daniel, des polars scandinaves. Oui, ouais. Pas scandale, hein, scandinave. Non, pas scandale, ouais. Ouais. Je fais quand même. La différence. D'ailleurs, vous avez remarqué hein, que notre Pika, il a fait des bêtises. Hein. Oui, on l'a menotté. On l'a menotté, parce que franchement. C'est parce qu'il est très attaché à Indestar. C'est ça, fallait l'attacher, vu qu'autrement, il allait courir partout et c'est insupportable. Ouais, alors, moi, ce qui m'a un petit peu marqué dans ce que, du moins, j'en ai vu dans mes recherches, c'est qu'il y a quand même une très grande part de psychologie dans les policiers scandinaves. Tant que ça ? Oui, il y a quand même. Alors, je pense que les gens qui aiment les thrillers, c'est quand même une bonne chose. Alors, il y a toujours une atmosphère relativement, alors peut-être pas pesante, mais il y a quand même quelque chose. C'est pas le policier course-poursuite à l'américaine ou à la française où on va chercher les copains, les copines, les détails. Non, vraiment. Alors, il y a de la réflexion derrière, c'est ça ? Oui, il y a toujours quand même de la réflexion. On retrouve en plus régulièrement des actions qui se déroulent quand même dans des villages, dans des communautés. Alors, parmi les films, il y a évidemment Millennium, mais il est trop connu, donc c'est pas ce qui va nous intéresser ce soir. Il y a aussi Valander pour les séries. Alors, vous m'excuserez, j'ai quand même étudié un petit peu la prononciation, mais c'était un peu compliqué pour moi pour faire les prononciations d'origine. Donc, je me suis dit, je vais le faire à la française. Hein. Alors, t'inquiète pas, vu ma prononciation en anglais, on va te pardonner. Chez toi, c'est une autre langue. Il y a l'anglais littéraire, l'anglais technique, mais il y a l'anglais Kevin, hein, n'est-ce pas ? Ouais, qu'on retrouve que c'est un des stars. Ah, bien sûr, si vous voulez l'anglais Kevin. Inestimable. D'ailleurs, si vous saviez ce qu'on dépense pour le garder. Ouais. Alors, donc le premier, alors c'est Easy Money, de l'argent facile. C'est l'histoire d'un étudiant à Stockholm, en école de commerce. Il est brillant, ambitieux, il a tout l'avenir devant lui. Il a juste un problème. Il est fauché. Alors c'est vrai que c'est sacrément bête en fait. Alors à votre avis, pour faire de l'argent facile, qu'est-ce qu'on fait quand on est fauché ? On fait la manche. Bah, il y a mieux parce que la Manche, ça peut prendre. On traverse la Manche. Dans le bon sens. On va vers l'Angleterre. Non, on va quand même dans le domaine du crime organisé. D'accord, c'est dangereux, mais. Oh, hein, alors, j'allais dire 2-3 banques, mais maintenant, les banques, il faut piquer les distributeurs. On retrouve les tontons flingueurs. C'est ça. Tout. Complètement. Alors, donc, il s'aventure, il fuit la police, il rejoint la mafia yougoslave. Il fait plein de trucs. Et puis, pour son dernier coup, il veut importer une grosse quantité de cocaïne parce qu'il se dit, après tout, les petits coups, ça suffit pas. Il faut que j'en fasse des gros. Oui, voilà, il va faire équipe avec un tueur à gages. Et entre alliance, trahison, défense, se défendre, assassinat, etc. Tu veux dire qu'entre eux, ils se jouent... Qui veut un gage ? C'est ça. Oui, c'est qui veut. C'est... Qui veut un tueur ? Ah merde. Qui non, veut, qui veut pas, ouais. Qui veut une balle ? La roulette russe. Alors, ils font aussi des films en partie, quand même, avec des suites. Hein. Ils sont. Oui, ils sont bien organisés. Ils gardent quand ouais. même quelques acteurs vivants. Ouais, c'est ça. Ils s'organisent bien. Ça peut servir de doublure. Je vois que Thierry a compris pourquoi, comment maintenant on faisait les. Bah, les surtout séries. Quand tu tournes en plein hiver, il y a besoin de doublure. Hein. Ouais. Il fait froid, non, c'est scandinave. Ouais, c'est ça. S'il fait froid, c'est pas cool quand même. Mais c'est très bien que vous ayez parlé du froid parce que déjà, scandinave, c'est froid. Oui. Mais là, il y en a un, il s'appelle Hunter. Il y a deux parties. Et Hunter, justement, se déroule dans le nord de la Suède. Alors, oh là. Faut vraiment les doublures. Hunter, là, ça aurait pu être un manga. Hunter x Hunter. Bah oui. Ouais. J'allais dire VS Hunter. Je connais pas grand chose, mais. J'ai sorti ma science. Ouais, c'est ça. Alors, celui-là, il revient. Donc, c'est Eric Beckström qui revient. Je crois que je l'ai dit pas trop mal là. Possiblement. C'était extra. Ne recommence pas. Qui revient dans son village natal du nord de la Suède. Alors, comme c'est un flic connu et tout, il est reçu en héros. Vraiment, c'est... Vive la police ! J'ai embrassé un flic, disait Renaud. Sauf que, bah, évidemment, il y a un petit problème. Il y a un problème avec la chasse, ils sont dans le nord. Et puis, bah... Oui. Son côté flic, il passe pas bien, quand même. Hein, c'est... Ouais, c'est... Ah. On l'aime pas pour ça. Enfin, ceci dit... Il a pas lâché l'affaire, c'est le moment de le dire. Il est revenu dans une deuxième partie. Et où a-t-il été encore ? Dans son village ? Natal. Voilà, c'est bien, vous suivez les gars. Bah, c'est-à-dire qu'on se dit, qu'est-ce qu'on peut mettre derrière village ? Ouais, c'est ça. Village. Oh, il n'y a rien. Dans les nuages. Non, ça, pas, c'est la tête. C'était pas Village People, vous vous êtes pas fait avoir. Oui. C'était très bien. Hein ? Donc, il revient, mais... Comme il y a les restes de la précédente affaire, il est quand même pas bien reçu. Ouais, encore on lui dit dégage en d'autres mots. Voilà. Il a essayé de dire qu'il était prof, mais on n'est pas bien reçu non plus. Ça ne passe pas non plus. Mais voilà, donc finalement, il n'est pas le seul flic là-bas sur cette deuxième partie. Ah putain, une planète de flics. Ouais. Il croise la route d'un autre collègue qui lui a pas les mêmes méthodes et il y a juste un petit souci. Ouais. C'est le beau-père de son neveu. Ah, les pièces rapportées. Aïe, aïe, aïe. Ah. Aïe, aïe, aïe. Quand elles font moins d'un euro, les pièces rapportées ne veulent pas grand-chose. Ouais, c'est ça. On va faire un trou au milieu. Ouais. Il y en a un qui s'appelle tout simplement Hold Up. Hold Up ? Ouais. Qui est inspiré de faits réels, par contre. D'accord. Ça a eu lieu en réalité le 5 avril 2004 dans la ville de Stavanger. Et ça a été le théâtre, oh oui, je peux dire ce mot-là, après tout, du plus spectaculaire braquage de l'histoire de la Norvège. Ah ouais ? Ouais. Tu sais que théâtre, à la base, enfin moi j'ai appris en anglais drama, ça veut dire action, hein, donc ça va ouais. très bien. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, bah, je voyais théâtre français, moi, théâtral. Ah oui, aussi. Ouais. Ah ouais, ouais. Mise en scène, ouais, c'est oui. ça. Extravagance. Bah remarque, costume. Quelque part, il faut la mise en scène, il faut les costumes pour faire un... Bah, pour faire encore plus ça, d'action. Ouais. Un hold-up pareil, hein. Ah oui, je dis pareil, mais je vous ai pas donné les, oui, c'est les ce chiffres que quand même. Dire. C'était combien les Il chiffres a duré 20 minutes. Ouais. 11 hommes. Avec un arsenal de guerre qui dérobe. En couronne norvégienne, ça fait impressionnant 51 millions de couronnes. Ouais. En dollars, la reine d'Angleterre s'en remettrait pas. Voilà. Voilà. Donc en dollars, ça fait environ 10 millions de dollars, plus ou moins suivant le taux de change. Non, mais tu ranges ça où ? J'ai pas une commode assez grande, moi. Il faut quand même savoir que 37 millions de couronnes n'ont pas été retrouvées. Ouais. Bon, malheureusement, ce jour-là, un policier a été tué par balle. Aïe. Les couronnes n'ont pas été retrouvées, mais les têtes sont tombées. Voilà. C'est ça. Alors, j'ai quand même quelque chose de plus comique maintenant. D'accord. Une série. En dehors de nous. Oui, ouais. Qui s'appelle oui. Braun. Braun ? Braun. Ça s'écrit Braun, mais je crois que ça se prononce Braun. D'accord. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, comme, comme la marque Braun Oui, je pensais aux marques. Non, c'est B-R-E-N. Ah. Voilà. Bah, c'est pas comme la marque. Alors, je vais vous donner des indices. Vous allez essayer de trouver... C'est une sous-marque. Où ça se trouve. Ouais. C'est un lieu géographique précis qui sert de frontière entre le Danemark et la Suède. Camp Braun. Et c'était le mot de Thierry, pas celui de Camp Braun. Et donc, le Danemark est d'un côté d'un côté du saumon, je sais plus comment il s'appelle, et de l'autre côté, il y a la Suède. Ouais. Donc, avant, il n'y avait qu'une frontière maritime. Mais qu'est-ce qu'ils ont construit pour relier les deux côtés ? Un pont. Un canal. Ah, absolument, un pont. Alors, il y a une île, après, il y a un tunnel. Et Braun, ça veut dire le pont. Donc, d'accord. La série s'appelle Le Pont. Ouais. Et finalement, il se passe toujours quelque chose à cet endroit-là. C'est... toujours sur le pont. Voilà. Sur le pont ou en dessous. Ouais, ouais. Oui, hein. Oui. Donc, ce. Il y a de l'eau qui coule sous les ponts. Ouais, ouais bah oui, vaut mieux parce que sinon. Quoique à cette époque-là, si c'était. Il n'a pas toujours coulé de l'eau sous les ponts, hein. Ouais. Alors, ce sont des épisodes de 58 minutes. D'accord. Qui sont diffusés dans, d'ailleurs dans le pays d'origine depuis 2011 et depuis 2014 sur Canal+. Donc, c'est quand même okay. Très intéressant. Ouais, ouais. Et alors, les victimes, ce sont toujours des ressortissants danois ou suédois. Qui ont lieu justement au niveau de ce pont qui s'appelle l'Øresund. Nous on prononce l'Øresund. L'Orelsan. Voilà. Ouais. Qui non, relie, c'est plutôt un rappeur. Qui relie Copenhague au Danemark à Malmö en Suède. Et comme le meurtre il a toujours lieu pas sur la frontière ou pratiquement sur le pont. Eh ben, les deux polices sont obligées de coopérer. Ah, d'accord. Rien ouais. À déclarer le meurtrier, quand on l'aura chopé, oui, peut-être. Mmh. Alors, d'accord. Par exemple, la saison 1 commence avec le corps d'une femme qui est découvert, coupé en deux, à la frontière. Mmh. C'est original, coupé en deux, la frontière, tu te dis pas, ils ont baissé la frontière, ça a coupé le corps une de... tranche de fromage pour séparer les deux. Voilà. Sauf que, évidemment, ça serait trop simple si ça se passait ainsi. Ouais. Le buste est celui d'une femme politique suédoise oui. Et les jambes d'une prostituée danoise. Ouais. Alors, est-ce que ça s'appelle un puzzle, ça ? Ça s'appelle un minotaure. Ça, on ne sait pas. Ah, ouais. Alors, vous imaginez quand même l'enquête, quand même. Oui. Finalement, il y a deux meurtres. Faut recoller les morceaux. Ah, mais c'est ça, là, je te dis. Je ne vous dis pas la galère pour commencer à retrouver et être bien, quand même. Ouais. Alors, il y a une deuxième saison. Ouais. Qui elle commence. Ah ouais, alors on est sur l'eau. Sur l'eau. Voilà, l'eau sur l'eau. Oui, sur l'eau, il y a le pont, il est sur l'eau. Vous parliez de l'eau. Qu'est-ce qui navigue sur l'eau ? Des bateaux. Voilà. Des canards. Des canards. Là, c'est pas des canards. C'est vrai que ça passe aussi. Parce que franchement, les meurtres de canards, voilà, il y en a peut-être, mais c'est pas la police qui s'en occupe. Hein. Oui. Enfin, pas la PJ, pas la police judiciaire. Là, c'est l'histoire d'un cargo qui est volé, qui s'échoue contre une des piles de ce fameux pont. Ok. Ouais. L'équipage. Titanic. L'équipage, ouais, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a coulé. Ah. À pic. Non, non. À pica. À pica, il a coulé. Pica, voilà, c'est pour ça, c'était pica, bien vu. Pica. Eh ben, l'équipage, il n'y en a plus. Ils ont trouvé 5 jeunes enchaînés dans la cale. Ouais. Alors là, c'est pareil. Bon, ils n'ont pas fait 2,5 parce que ça va être embêtant. Il y a 3 Suédois et 2 Danoises. Alors, on ne sait pas pourquoi, ils n'ont pas mélangé. Il y a 3 Suédois et 2 Danoises. Hein. Ils ne se mélangent pas là-bas, je crois. Voilà, qui ont été volontairement infectés par une forme de peste pulmonaire. D'accord. Vous voyez, il y a quand même des trouvailles qui sont... Une sorte de Covid. Ouais, non, ça touche les poumons, ça aussi. Mmh. C'est ça. Alors avant de finir, là j'en ai trouvé un aussi qui est justement, j'allais te proposer un dernier pour finir. J'en ai juste un petit avant le dernier pour finir qui est absolument, je trouve, génial. Une douceur. C'est l'histoire, ça s'appelle Akited, l'histoire d'un type qui a fui sa ville natale en Norvège. Oui. Parce qu'il avait été accusé du meurtre de sa petite amie, mais il a été acquitté. Ouais. Et donc, il est parti faire fortune ailleurs et il revient 20 ans plus tard. En tant mandaté pour pouvoir sauver la principale industrie du village. D'accord. Qui est dirigée par la mère de la petite amie qui a été assassinée. Mais enfin, je vais finir sur quand même quelque chose de très sympa qui s'appelle Sound of Noise. D'accord. Le son du bruit, oui. C'est, oui. C'est original. On avait compris, t'inquiète pas. Alors moi, je trouve le principe... Vaut mieux pas traduire, ça fait moche. Ouais, je trouve le principe de l'histoire quand même assez déjanté. Parce que c'est l'histoire de 6 percussionnistes qui jouent de la musique, mais ils servent de la ville comme instrument. Alors vous allez me dire, ça gêne pas. C'est sympa. Ouais. Ça fait un concert. Pourquoi pas, oui. Pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas, après tout, c'est fun. Bah oui, c'est fun. Sauf que, évidemment, il y a quelque chose de quand même beaucoup moins fun. C'est que quand ils font ça, ils détruisent d'où, ils gênent les gens, ils importunent tout le monde. Alors, c'est moins fun, là, d'un coup, bizarrement. Ouais. Et ce qui est quand même formidable, c'est que... Bon, qu'on mette un policier sur l'enquête, non, c'est pas formidable. Mais ce policier, il déteste la musique. Forcément. En plus, originaire d'une famille de grands musiciens, il n'en pouvait plus étant gamin. Donc, ah ouais. Par contre, nous, Kevin, on connaît la musique. Oui, on connaît la musique et absolument. On adore ça même. Absolument. D'ailleurs, tiens, ce serait pas le moment d'écouter une musique. D'ailleurs, hein, quand même, avec Boychie Avenue, c'est juste Malibu, c'est sur Indestar, et on revient tout de suite après. I never came to the beach just to buy the ocean. I never sat by the shore under the sun with my feet in the sand, but you brought me here. And I'm happy that you did. Cause now I'm as free as birds catching the wind. I always thought I was sane, so I never swear. I never went bone, don't get how they're floating. And sometimes I get so scared of what I can't understand. But here I am next to you. The sky's more blue in Malibu. Next to you in Malibu. Next to you. We watch the sun go down as we're walking. I'd spend the rest of my life just standing here talking. You would explain the current as I just smile, hoping that you'll stay the same and nothing will change and it'll be us just for a while. Do they even exist? That's when I make the wish to swim away with the fish. Is it supposed to be this hot all summer long? I never would have believed you if 3 years ago you told me I'd be here singing this song. But here I am next to you. The sky's so blue in Malibu. Next to you in Malibu. Next to you. So blue in Malibu. Next to you. We are just like the waves that flow back and forth. Sometimes I feel like I'm drowning and you're there to save me. And I wanna thank you with all of my heart. It's a brand new start. A dream come true in Malibu. Happy birthday, happy Christmas, happy New Year, happy Kevenger. Jusqu'à 23h à peu près, voire un peu plus, vu qu'on est quand même très souvent en retard sur Peak Avenger. N'est-ce pas Thierry? Oui, bah, surtout quand on a des bons invités, comme je pense on aura tout à l'heure. Oh, t'annonces un peu tôt quand même, vu qu'avant on va parler de toi quand même un petit peu, de ce que tu nous as préparé là. Alors parler de moi, je ne sais pas, mais... Alors non parler de la police, oui. Oui, parler de la police, oui, c'est plutôt ça que je voulais dire. Tiens, au lieu de dire des conneries, je vais te faire participer parce que j'ai écrit mes petites choses sur des post-it. Ah, je croyais que c'était tes mémoires que t'avais écrit. Alors, le truc, c'est que là, vu que je suis à côté de Thierry pour une fois, oui, forcément, je me fais avoir, là. Je me fais eu, là, c'est pas bien. Donc, on va diviser ce petit quart d'heure en trois parties. On va faire un petit peu d'histoire, un tout petit peu, des petites anecdotes, des petites choses. Et puis après, je vous parlerai du musée. Musées du crime, parce qu'on trouve dans le monde. Et puis du jargon policier. Voilà, on va diviser en petites parties, comme ça, pour avoir des petites intros, pour vous donner un peu envie d'aller voir un petit peu plus. C'est ça, pour un peu changer aussi. Alors, je vous donne juste comme ça pour commencer l'étymologie du mot police, histoire d'eux, hein, mais ce ne sera pas la partie la plus intéressante. Ça vient du latin politia qui veut dire, en fait, qui désigne l'organisation politique, le gouvernement de la cité. Voilà. D'accord. Bon, ça, c'est fait. Après, vous, si que vous l'allez voir, vous allez voir. Mais on va faire des petites choses un petit peu sympas. Tiens, je te passe un petit peu ce titre. Regarde ce qui est écrit dessus. Devise de la police. La devise de la police, voilà. Quelle est leur moto, leur moteur, hein, bon. Ah, la moto, je sais pas. Je les ai vus tout à l'heure, j'ai pas regardé la marque, tu m'excuseras. T'as pas retenu la marque? Ouais. Donc je peux pas répondre. Donc qu'est-ce qui les motive? Il y a comme quelque chose au-dessus d'eux, hein, qui désigne ce pourquoi ils sont. Dieu. Je ne pense pas. Ah. Je ne pense pas, Daniel. Ah. Alors Kevin, si tu ne sais pas, tu as la réponse au dos du post-it. Faut tout lui dire. Alors il y a pro patria vigilant, c'est ça? Oui, je me doutais. C'est bon, je me doutais que ça allait faire mal. Mais tu as la traduction. Alors pour la patrie, il veille. Pour la patrie, il veille. Voilà, ce sont des veilleurs. Hein, voilà. Des veilleurs. Ils veillent que tout va bien. Ils veillent et ils surveillent. Et pas que des veilleurs de nuit, si j'ai bien compris. Non, pas que. À savoir que dans la police, il y a au moins une centaine de métiers différents. Hein, donc si vous entendez les enfants dire je veux bosser dans la police, c'est pas que les gens que vous voyez. Il y a énormément de gens que vous ne voyez pas. J'en connais un. Vas-y. Policier. Merci. Merci Daniel de cette info très utile. Mais c'est peut-être déjà pas assez précis de dire policier. Oui, hein, complètement. Oui, bah, vu que mine de rien, il y a quand même... comme tu disais, il y a beaucoup de métiers, donc juste dire policier, c'est vrai. Et il y a même des gens que tu croises qui ont des lettres dans le dos comme ASVP, ça veut pas dire arrêtez s'il vous plaît. mais qu'est-ce que ça veut dire, vous savez? Assistant voie publique, non, c'est pas ça. Assistant sécurité. Alors, agent de sécurité, oui, sur la voie publique, il me semble que c'est ça. Ouais. Mais j'aime bien arrêter s'il vous plaît, c'est très poli. Bah oui, au moins on s'adresse à eux poliment, c'est vrai c'est que ça c'est non mais vous avez des gens, pour les gens qui aiment les écrans, vous avez des gens qui regardent aussi les caméras de surveillance, hein, et il y a plein de choses comme ça, mais vous avez certainement des idées, mais c'est assez intéressant quand on tape pour aller chercher la liste de voir tout ce qu'il y a. Donc allez-y aussi par curiosité, vous verrez qu'on peut faire de tout, même de l'administratif, hein, ça on en fait partout. Tiens, on va passer à Daniel un petit post-it, en fait. Bon, je regarde pas de l'autre côté, j'ai compris. Porte en fait sur le... Je me suis dit, mais qui a été le premier policier? Le premier policier. Bon, déjà, c'est pas moi. Est-ce que... Non. Parce que, en fait, avec la pop culture, on entend des noms. Alors souvent, ce sont des personnages de fiction, mais on dirait qu'ils ont existé. Et on a tendance à se les mettre dans la tête. Et on se dit après, mais en fait, est-ce qu'il a existé? Et est-ce que ça a été le premier? Et bon. Si je me réfère à la pop culture, je répondrai Vidocq. Ah ben, faudrait savoir d'où... Mais la pop culture, comme tu dis, n'a pas toujours les bonnes références. C'est ça, pas tout le temps. Je dirais Vidocq, François Vidocq. Mais à mon avis, il y a encore plus vieux, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, tu vas voir, moi je ne connaissais pas du tout le nom de cette vraie personne. Donc tu vas avoir j'ai le droit de retourner le post-it. Et je me dis, d'où l'intérêt de l'avoir cherché? Parce que finalement, dans la pop culture, je n'ai jamais entendu ça. Ouais. Nicolas de la Reynie. Nicolas de la Reynie, ouais. D'accord. Qui fut le premier lieutenant général de police. Quand il fut policier ou ses dates de naissance et où qu'il est mort, 1667-1697? Alors, ça fait 30 ans, ça doit faire 30 ans de police, il doit être mort au bout du compte, peut-être. Ou alors, peut-être que notre invité nous dira, mais je pense que s'il y a marqué lieutenant machin avec les dates, ça va être probablement ces dates où il a été. Où il a officié, on va dire, oui. Ouais. Enfin, allez voir par curiosité. En tout cas, il y a plein de noms dans l'histoire, mais se dire, tiens, la pop culture ne fait pas forcément honneur à ces noms-là. C'est ça, pas toujours. Ah, ouais. Bon, je te redonne le post-it. Non, je n'ai plus besoin. Ah, c'est fait. Attends, je vais le garder en souvenir. Attends, je le mets dans la pochette là. Au chaud dans les papiers. Et puis maintenant qu'il y a tes empreintes. Ouais, c'est ça. Je dis pas ça au hasard parce que mon dernier post-it, en fait, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui est intéressant, quelle invention en fait a marqué. Ben, quand est-ce qu'on a commencé en fait à étudier les empreintes pour résoudre les énigmes en fait. On a l'impression que ça a toujours été avec plus ou moins de succès, mais non, il y a quelqu'un à un moment qui s'est dit ça y est, je pense que j'ai découvert la poudre aux yeux, je sais pas, la poudre miraculeuse. Un moyen déjà de mettre des traces en évidence, des empreintes, et qui savait ou qui a collaboré avec les savants qui ont découvert qu'on avait des empreintes uniques, quoi. Vous voyez, il a fallu un peu une conjugaison de plusieurs choses. Je te passe le post-it, Kevin. Oui. J'espère que j'ai bien écrit au dos. Donc, c'est la découverte ou le choix d'utiliser les empreintes. Hein, bon. Alors, Alphonse Bertillon, c'est ça? Oui. Donc, en 1902, fondateur de... Qui a décrit de l'atrométrie. Alors, attends, je regarde parce que je me rappelle ce que j'ai écrit. L'anthropométrie moderne, voilà. D'accord. Vous chercherez ce que c'est. D'accord. Oui, parce que Thierry n'a pas cherché, hein. Ouais, il va pas ça. Vous le dire. Hein. Il n'a pas tout cherché. Ouais. C'est la maîtrise et mesure, et anthropo, ça va avec l'homme, en fait. C'est d'utiliser, en fait, de mesurer. Alors, je vais vous dire exactement ce que j'ai trouvé, parce que je me rappelle, en fait. Vous savez que quand il y a un meurtre, etc., on pèse le foie, on pèse les différents... et on prend toutes sortes de mesures. Hein. L'anthropométrie, c'est ça, c'est d'utiliser tout ce qu'on peut mesurer sur l'être humain. Voilà. D'accord. Voilà, bah, vous voyez, les empreintes, c'est pas si vieux que ça, 1900. Ouais, c'est relativement récent. Quoi, voilà, et tout ce qui peut vous intéresser sur l'histoire, bah, allez voir, parce que c'est très complexe. Je me suis dit, refaire un historique de la police. En plus, c'est complexe parce qu'il y a police nationale et police locale, et selon les pays, selon. T'en as beaucoup, donc forcément, aller voir. Ouais. C'est complexe. Et puis, alors, après, division police-gendarmerie, n'en parlons pas. Donc, voilà, il y a plein de choses intéressantes, mais des petites anecdotes histoire de vous faire des amuse-gueules. Voilà. D'accord. Et puis on va passer au musée du crime. Ça, c'est un peu plus croustillant. Alors oui, je me suis dit, mais qu'est-ce qui est intéressant en fait à visiter? Moi, je me suis dit, tiens, ça serait bien d'aller dans un commissariat ou une gendarmerie, je ne sais trop quoi, en dehors des plaintes qu'on peut y déposer. Et en fait, je me suis aperçu en cherchant genre commissariat que parfois il y avait des musées même à côté ou en dessous des commissariats, alors qu'ils sont ouverts ou qu'ils sont pas ouverts. Et en fait, qu'il y en a pas mal, et en France et à l'étranger, où l'on conserve. En fait, alors des crânes, des armes, et puis toutes sortes de papiers, enfin tout ce qui peut permettre peut-être de raconter des scènes de crime et comment on les a résolues, comment on a trouvé le coupable, à cause de quoi. C'est un peu un cluedo une fois qu'il est terminé. C'est un cluedo, mais dans la vraie vie. On a les preuves du crime de Pikachu dedans. Ah oui, vu que le pauvre Pika, il est toujours menotté. Il nous a fait sa déposition, mais elle nous a pas plu. Hein. Alors moi, je pense que c'est fait un peu pour les gens qui n'aiment pas visiter les musées traditionnels, qui disent... Ah, moi, je croyais que c'était pour les gens qui n'aiment pas visiter les gendarmeries, les commissaires, il y a... Bah, ça peut, on va savoir. Ah, mais pourquoi pas? Ou alors, tant qu'à le visiter, vous dites, est-ce que je peux voir les bas-fonds? Non, monsieur, vous touchez déjà le fond. Donc on n'est pas forcé déjà de rentrer dans un bâtiment pour avoir l'histoire du crime, parce que figurez-vous qu'il y a des villes comme Paris qui invitent en fait à utiliser son smartphone, et avec une application vous passez devant des bornes, et puis ça vous raconte un petit peu les crimes qui ont été commis dans les quartiers et comment ça s'est passé, etc. Un peu comme on a maintenant dans toutes sortes de musées ou châteaux, comment s'appellent ces petites tablettes qu'on vous prête, je ne sais plus, pour faire des visites en fait guidé, puis vous vous rapprochez d'une borne, et en fait ça vous guide par rapport à ce que vous avez devant vous. C'est pas juste des tablettes. Ouais, mais ça, ils donnent des noms, mais je me rappelle. Ouais, parce qu'au niveau du touriste, une tablette. Tiens, je vous donne une tablette. Ouais, on m'en a donné l'autre bah, jour. J'en ai ouais, déjà, je vais à la salle tous les jours. Merci Joachim. Alors, pour le musée du crime, on a le musée de Jacques l'Éventreur à Londres. C'est intéressant. 5 étages qui représentent... Est-ce qu'ils font des journées portes ouvertes au musée de Jacques l'Éventreur? Alors c'est vraiment un musée qui se visite avec ses heures d'ouverture. Après, je ne sais pas si vous en sortez vivant, mais bon. Il y a 5 étages avec 5 scènes de crime. Donc c'est dans le quartier de Whitechapel où furent commis la plupart de ces crimes, hein, notamment de prostituées, pas que, mais c'est assez, assez flagrant de ce côté-là, avec mutilation des corps, voilà. Ouais, il y avait tout, quoi. Mais c'est quand même impressionnant, enfin on dirait une boutique le truc, et c'est musée de Jacques l'Éventreur écrit en gros, bon, devanture rouge et compagnie, enfin oui. Bref, tout ce qui va avec quoi. Donc Jack the Ripper hein, en anglais, donc à Londres fin 19e, donc je vous disais plein d'assassinats dont les prostituées, et on raconte qu'il écrivait à la police en fait et aux journaux pour raconter ses crimes, mais il n'a jamais été arrêté, donc une espèce de légende quoi, ouais. On se dit ouais, il y a bien eu les crimes mais on n'a jamais retrouvé qui exactement avait fait ça. C'est quand même tu vas un peu narguer la police je trouve, Daniel, en faisant ça quand même, vu qu'au final provoque hein. Bah oui, tu fais hey, j'ai fait ça mais vous retrouverez jamais, mais vous savez moi je connais pas la réalité, mais dans les séries policières on nous montre hein, que les assassins ont tendance à provoquer hein. Bon, oui. Mais Kevin, ça devait être gardé silencieux, c'est pas Jack l'Éventreur, c'est Daniel l'Éventreur, on avait dit qu'on dirait rien ce soir hein. Mais j'ai rien dit. Ah bon? J'ai juste dit, c'est vachement... Oh non, mais il s'est vendu tout seul. Oh, quel idiot. Bon, allez, on prend l'ascenseur et on monte au troisième étage. Pourquoi? Allez, parce qu'au troisième étage, on a reconstitué le poste de police de l'époque. Et c'est ça qui m'intéresserait de visiter, vous voyez. Parce que c'est bien de voir des images dans des fictions, de se dire, bon, ça représente un commissariat, mais est-ce que c'est vraiment comme ça? Là, vous en avez un qui est reconstitué, et un d'époque de 1888. Ouais. T'as une solution, ouais. Tu vas faire un cambriolage et tu te laisses prendre, et puis là, tu visiteras le poste de police. Enfin, c'est cher payé juste pour une visite, quand même. Bon, alors, faisons un appel aux policiers, aux gendarmes qui nous écoutent. Oui. Thierry a très envie. Faisons un appel à Jack l'Éventreur. Évidemment, les policiers peuvent nous appeler au 09 70 407 306. Pour nous donner leur réponse aussi, pour visiter quand même. Tout à fait, Ludovic, à 22h, ce sera à toi. Et d'ailleurs, tu parlais de commettre quelque chose. Il y a un plan de quartier qui est au même étage, donc dans ce commissariat de police, et avec les preuves rassemblées par l'inspecteur Frédéric Georges, donc de l'époque. Hein. Voilà. Un musée de police abandonné près de Lyon, en France, en fait. On a fait un musée, mais en fait, il prend la poussière. C'est un musée fantôme, j'ai trouvé quoi. Ça dans un article du Monde de 2003. Bah, en fait, c'est que le musée il est fermé depuis 1982. On pourra en parler dans d'autres émissions. J'ai prévu de vous parler de musées comme ça. En fait, quand il n'y a pas assez de monde qui visite ou quand on n'a pas les crédits, en fait, on laisse tout en place, mais on ferme. Quoi. D'accord. Donc les choses sont là, mais prennent la poussière. Ouais. Alors, dans ce musée, on trouve la panoplie du parfait cambrioleur, par exemple. Un éventail de drogues qu'on a pris dans les années 1960. On a des têtes guillotinées qui sont moulées dans des plâtres. Ouais. Ah. Voilà. Ah. On a des machines truquées de casino. Ouais. Hein, bon. Et puis des balles, des armes, des lettres, tout ce qu'on a retrouvé. Et puis de la poussière. Oui, évidemment, ouais. Mais c'est important la poussière sur des scènes de crime parfois. C'est ça. Et donc ça se trouve à l'ENSP, l'École nationale supérieure de la police, à Saint-Cyr au Mont-d'Or. Pardon. Voilà pour vous donner un petit peu un aperçu de quelques musées. Et je vais passer au jargon policier. Expressions en fait, et notamment pour désigner les policiers. Je suis en train de voir que nous avons un chat dans l'autre studio. Si quelqu'un peut aller voir, il y a un chat qui est en train de passer dans la radio. Des noms d'oiseaux. Alors, une hirondelle, savez-vous ce que c'est qu'une hirondelle? Ça désigne un policier, mais un policier... À vélo. Un policier à vélo. Pourquoi? Parce que le vélo... était de la marque hirondelle. Était de la marque hirondelle, ouais. Effectivement. Autrement, on équipait les policiers de vélos de la marque hirondelle. Et en fait, il n'y a pas que le vélo qui pouvait rappeler l'oiseau, mais en fait, dans leurs vêtements, ils portaient aussi quelque chose qui faisait qu'avec le vent, ça pouvait... Les capes. Les capes. Ouais. Ils avaient des capes flottantes. Mais est-ce que ça vient de là, l'expression « une hirondelle ne fait pas le printemps » C'est possible. En tout cas, cette cape s'appelait une pèlerine. et donc, elle flottait quand ils étaient à vélo, et ça rappelle les oiseaux également. Okay. Donc les hirondelles, c'est une police de proximité apparue en 1901 à Paris, à 2819 policiers dans les années 1950, et on les a fait disparaître en 1984. Voilà. Ça, ils ont eu pignon sur rue jusqu'à ce qu'on dise stop, c'est fini. Les hirondelles, stop, ça, c'est fini le printemps. C'est ça. C'est vrai que les hirondelles ont disparu. C'est fini la borboche. Alors, aller à la poule. On parle des poulets, mais j'ai trouvé une expression avec la poule. Aller à la poule, eh bien, c'est déposer plainte au commissariat. Pourquoi ? Parce que c'est le lieu où il y a les poulets. Mais d'où vient ce sobriquet de base de poulet ? Pourquoi est-ce qu'on les appelle les poulets ? Déjà, il y a beaucoup d'histoires de volettes, ils les hirondelles, les poulets. Oui, ça veut dire qu'on leur vole dans les plumes ? Sans doute, on va savoir. Peut-être. Ou alors, oui, peut-être pour se faire plumer. Je sais pas. Dans les autres noms, les grondés, les ch'tards, les flics. Il y en a. Les keufs. Ouais, c'est plus récent, ça, les keufs. Avec le film avec Josiane Balasco, les keufs aussi. Si vous avez vu. Alors, plus exactement, en 1871, Jules Ferry met à disposition de la préfecture de police la caserne de la Cité pour en faire son siège. Mais cette caserne ayant été bâtie sur l'emplacement de l'ancien marché aux volailles de Paris, on a donné ce nom de poulets aux policiers. Voilà. Ils étaient installés sur le marché aux poulets. Plus de marché aux poulets, mais toujours des poulets. D'accord. Vous voyez, c'est intéressant d'aller chercher ces petites choses-là. Alors, quelques noms bien connus, mais quel est leur sens ? Qu'est-ce qu'on appelle un Adidas chez les policiers ? Alors, je vais faire une proposition. Tout à fait. Un cambrioleur qui se sauve à toutes jambes. Pas tout à fait. Alors, rappelez-vous la représentation de la marque. La les marque Adidas, bandes. On la reconnaît aux trois bandes. Ouais. Pensez au grade. Vous voyez les écussons avec les grades. Y en a qui ont trois bandes. Oui. Bon. Le colonel, je sais que c'est cinq. Donc c'est le capitaine de police avec ses galons à trois bandes que l'on appelle un Adidas. C'est le capitaine qui a... Capitaine de police. Ah bah écoutez, moi je relève les trucs et après vous allez vérifier ou pas. Hein. Un zombie. C'est aussi un policier. Ça il connaît Kevin dans les jeux vidéo. Oui, quel genre de policier peut être un zombie ? Il n'est pas à sa place en tout cas. Alors c'est pas le planton là qui est en train de dormir au bout de la nuit parce qu'il est fatigué, c'est pas ça. Non, je pense pas. Non, je vous dis, il n'est pas à sa place, il n'est pas dans son milieu, peut-être pas dans son rôle habituel. Pensez aux espions. Un agent double ? Oui, en fait, c'est un policier infiltré. Infiltré. Il a des infiltrations. ils ont infiltré le policier. Ah bon, il a été à l'hôpital ? Alors, riant un peu avec un peu de poésie, qu'est-ce qu'on appelle une angine de comptoir ? Dans le jargon. Je connaissais les piliers de comptoir, qui n'ont rien à voir avec les jargons. Quand on a une angine, on a mal où ? La gorge, la poitrine, etc. On a un peu de mal à parler, on tousse, etc. Et le comptoir, qu'est-ce qu'on appelle généralement un comptoir ? Un bar. Bon, quand est-ce qu'on a une angine de comptoir ? Quand est-ce qu'on a un peu de mal à parler ? D'ailleurs, ça m'arrive là, mais je ne suis pas allé dans un bar et que j'ai bossé toute la journée. En fait, quand on est ivre, quand il y a quelqu'un qui est ivre sur la place publique, en fait, on dit « vous avez une angine de comptoir ». Voilà. Bon. C'est pas une vraie angine, quoi. Est-ce que tu en as un petit dernier, tiens ? Oui. Hey. Un bijoutier du clair de lune. J'ai trouvé ça très beau. Oh, c'est beau. Et à chaque fois que je vois le mot lune, je dis c'est vrai qu'il faut que j'interviewe notre ami sur son livre sur le vin de lune. Mais bon, ce sera encore pas pour aujourd'hui. Ça va venir. Ça viendra. Je vous expliquerai. Ça viendra. Un bijoutier du clair de lune, c'est un cambrioleur nocturne, tout simplement. Voilà, il va chercher les bijoux quand il fait nuit, mais avec un petit peu de lumière quand même pour voir que ça brille. Mais d'une certaine façon, c'est mignon, c'est gentil. Mais oui, c'est vachement très joli, c'est très poétique. Mais oui.

Avenger. La pop culture se podcast sur indestar.fr. Sur Indestar, donc pour Peak Avenger, toujours là, évidemment, jusqu'à 23h, ça ne change pas. Si vous venez d'arriver, bah, que ce soit sur Twitch ou à l'antenne, sachez que vous avez raté la moitié, mais ce n'est pas grave, vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur indestar.fr. Comme toujours, comme l'année dernière, on ne change pas une équipe qui gagne, j'ai presque envie de dire. Et en parlant d'équipe qui gagne, bah, on est toujours moi, Daniel, Thierry, ici. Oui. Et va se rajouter notre invité. Ludovic. Bonsoir, Ludovic. Ah. Ah. Allô, la police. Ah, attends. Ludovic, bonsoir. Oui, moi, je vous entends bien. Ah, super. Oh, ah, oui. Nickel, oui. On te reçoit aussi. Bonsoir, Ludovic. Bonsoir, Ludovic. Bienvenue sur Indestar. Bon, bonsoir. Le son n'est pas terrible. Hein. Le son n'est pas terrible, nous dit-il. Moi, je vous avoue que j'entends pas très fort, Ludovic. Non, moi non plus. Pourtant, là, je suis. T'es à fond. Attends, oui, et là, c'est mieux ? Oui, c'est mieux. C'est d'accord, mieux. Ok. Ouais, faut me pardonner, c'est la première fois que je gère tout au niveau de la technique, donc il y a encore des petites choses. Il peut y avoir des petites choses. C'est la rentrée, il y a un peu de bizutage, de mise en place. On bizoute le petit nouveau qui n'est plus si petit nouveau que ça, mais c'est pas grave. Qui n'est pas si petit non plus. Oui. Bon, alors Ludovic Armouette. Ah, qui c'est ? Parce qu'on n'a pas dit qui c'était. Oui, bah oui. On devine qu'il travaille dans la police, parce que sinon on ne l'aurait pas invité. Oui, et puis on l'a un petit peu dit. Donc oui, alors oui. Ludovic, on va te laisser te présenter. Alors, moi, je dirais juste que vous avez demandé la police, ne quittez pas. Et on va revenir là-dessus tout à l'heure, n'est-ce pas, Daniel ? Oui, parce qu'en fait, je vous ai préparé un jeu qui tourne autour de « Vous avez demandé, la police ne quittez pas en fin d'émission ». D'accord. Ouais, qui est, je peux quand même vous le dire un petit peu à tout le monde, à toi et puis à tout le monde. Ça va être, j'ai réussi à récupérer les traductions de la phrase « Ne quittez pas, vous avez demandé la police, ne quittez pas » dans d'autres langues. Et donc, le jeu, ça va être d'essayer de découvrir la langue. Et dans quelle langue c'est ? On ne sait jamais si on a appelé la police dans un autre pays. D'accord. D'accord. Alors, Ludovic, tu es là pour plusieurs choses. C'est quoi ta profession ou qu'est-ce que tu as fait dans la police ? Alors, moi, j'étais commandant de police, j'étais chef d'état-major de la police judiciaire. J'ai fait toute ma carrière, donc, d'abord au grand banditisme, ensuite au trafic international de stupes, et après à la grande délinquance économique et financière. Et il me semble que tu as travaillé dans les DOM, ou est-ce que tu étais ? Non, je suis né à La Réunion. Tu es né à La Réunion, d'accord. J'ai grandi à La Réunion et j'ai quitté mon île natale à 22 ans pour intégrer la police à Paris. D'accord. Et donc là, aujourd'hui, tu es retraité de la police, c'est ça ? Oui, je suis un jeune retraité de la police. Et tu es président d'une association ? Oui, donc j'ai pris une retraite anticipée pour créer une association d'insertion pour les jeunes. Et également, je travaille sur les valeurs de la République et la laïcité. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on t'a repéré, j'allais dire. Quand on est allé sur un événement où il y avait plein d'exposants, en fait, tu exposais une bande dessinée dont tu vas nous dire un mot. Oui. Alors, effectivement, j'ai eu la chance de rencontrer un scénariste qui s'appelle Corbeyran, qui a écrit notamment toute la série de Bordeaux. Et nous sommes devenus amis, et en créant nos relations d'amitié, nous nous sommes raconté nos affaires, nos vies. Et un jour, il m'a proposé de faire une série parce que il m'a dit tu as une vie professionnelle remplie et une vie personnelle également chargé, et donc je te propose d'en faire une série. D'accord. Et alors, c'est d'accord. Comme ça donc, que nous nous sommes mis à l'aventure. Alors c'est très original, et en même temps, dans ta bande dessinée, donc c'est raconté à la première personne, et il y a même ton nom qui apparaît plusieurs fois, ton prénom je crois une fois, donc c'est vraiment toi qui es dans la bande dessinée. Ah, c'est autobiographique. autant sur l'histoire policière que sur mon histoire personnelle. Voilà, d'accord. On a les deux histoires qui se croisent. Hein. D'ailleurs, par tout moment, il y a genre une page sur une histoire, sur l'histoire perso, une page professionnelle. Hein. Il y a des croisements comme ça qui se passent, qui sont assez originaux. D'ailleurs, tout vu qu'on parle de la bande dessinée, on peut la voir actuellement sur Twitch, qui est juste devant moi, Flic à la PJ. Voilà, et donc nous, Flic à la PJ, on a lu le premier tome, mais tu en as fait plusieurs. Alors, le deuxième tome aurait dû sortir au mois de novembre, sauf que la coloriste qui est italienne et en Italie a eu un cancer, et du coup, ça nous a retardé notre sortie. Et le tome 2, a priori, sortirait le 8 février. Le 8 février, alors oui, je répète parce qu'on a quelques petits soucis malheureusement de communication, peut-être que tu nous entends parfois hacher, et oui, donc c'est pour ça qu'on risque de répéter de temps en temps ce que tu nous dis, c'est pas qu'on soit gaga, mais voilà. C'est pour être sûr de voilà. Bien donner les infos aussi. Voilà, c'est ça. Donc le premier tome s'appelle le Go Fast. Oui. Donc, il est, l'histoire forcément d'un Go Fast, mais pas que. Tu parlais que tu mettais aussi ta vie, finalement, ta vie personnelle était mêlée à ta oui. vie professionnelle. Et donc, on commence par connaître Ludovic à quel âge ? Alors, ça commence très tôt, que la première page de la BD me présente à 8-9 ans, hein, alors que j'étais en train de peur. Et ensuite, bien entendu, donc tout au long de mon enfance et de mon adolescence, nous allons la Réunion, tout en revenant par un peu d'aller-retour sur mon histoire professionnelle. Oui, ça va pas forcément en avançant dans la BD de manière chronologique, on revient sur des choses, mais on insiste beaucoup sur d'où te vient cette motivation pour rentrer dans la police, qui est très ancrée en toi. On a aussi la rencontre avec ton épouse. On a des affaires dans lesquelles, qui ont touché des personnalités qu'un peu tout le monde connaît. Hein, tout ça s'entremêle, mais pour l'avoir lu une fois, c'est bien retenu. Oui, alors, donc j'ai aussi lu, j'ai pris le temps aussi de le lire, et j'ai relevé un passage qui est celui avec le dealer, avec le trafiquant, que tu invites au restaurant. Oui. Oui. Oui. Alors. Tout le monde se cuisine. Il faut quand même rappeler que cette histoire remonte à plus de 30 ans aujourd'hui. Hein. Donc, ce ne sont plus des pratiques qui se font. D'accord. D'accord. Oui, alors je vais juste répéter. Donc, l'histoire remonte à plus de 30 ans et les pratiques ne se font plus. Et c'est ce fameux voilà. Giovanni. Voilà. Pour autant, c'était une belle époque parce qu'on créait des liens différents. Et on était dans un rapport de confiance avec les voyous, mais pour autant, on est pas. Si vous avez bien vu le BD, vous verrez que quand je suis au resto avec le voyou, il a une menotte. Je pense que malheureusement, on a des problèmes de. Ouais, je pense aussi. De communication. C'est de plus en plus haché, c'est très problématique. C'est vraiment dommage parce que. Oui. C'est très intéressant. Oui. Là, ça va mieux. Là, oui, ça va, oui, oui. Bon, donc je dis que ce sont des pratiques qui ne se font plus. Hein. Ça remonte à plus de 30 ans. Et même lorsque ça se faisait, le juge d'instruction était informé de la. En revanche, s'il y avait une main, c'est pas suivi. Voilà. D'accord, donc le juge d'instruction était informé, mais tu disais en revanche, pardon ? En revanche, si, c'est pas suivi. Voilà, je veux rien entendre. Voilà. Mais c'est des pratiques. C'est des pratiques qu'il y a. La police a beaucoup évolué, la police aussi depuis. C'est les pratiques révolues, voilà, ouais, c'est ça. C'est ça. Hein, ça se faisait, alors voilà, on va dire entre l'officiel, l'officieux, etc. Mais aujourd'hui, oui, ça a beaucoup, beaucoup évolué. Mais en tout cas, c'est assez frappant que ce soit dévoilé. J'ai envie de dire aussi crûment que tous les échanges que l'on peut avoir en tant que dans une équipe de policiers, etc. C'est assez cru parfois les échanges et d'ailleurs même visuellement il y a une pause de toute l'équipe lorsque on montre tout le butin qui ont le cul à l'air. C'est compliqué. Les ouais. remarques misogynes, enfin rien ne nous échappe dans oui. la BD. Mais en même temps, c'est un super témoignage en même temps. Mais en même temps, exactement, c'était la police de Pépé, hein, et en même temps, je n'ai pas l'habitude d'offrir du beurre dans les épines. Ah, on va peut-être essayer de trouver une solution. Ouais, je pense qu'on va essayer de trouver une solution. Oui, parce que ça passe très mal. Hein, peut-être qu'il faudrait réessayer tout simplement. Est-ce que réessayer de rappeler ou alors nous on rappelle dans l'autre sens voir si ça marche ouais, mieux. Voir si ça marche. On va reprendre après alors. Ça marche. Hein très bien. Nous. Très bien. Ok. Très bien. Tu raccroches et puis on essaye de voir si on te rappelle ou comment on voilà, peut faire. Voilà c'est ça. Ouais. D'accord. On va essayer aussi à côté nous avec nos portables d'appeler. On va essayer. Voilà. Mm. Alors j'en profite vu qu'il y a Kyo qui est sur le chat de Twitch qui nous dit bonsoir à tout le monde. Donc bonsoir Kyo. Salut. Bonsoir Kyo. C'est vrai qu'elle peut pas répondre, mince. Est-ce que vous voulez quelques devinettes pour mettre un peu d'ambiance sur la police? Devinettes ou autrement on en lance une. Ouais. Autrement on peut écouter une musique aussi. Eh ben je te lance la devinette et après la musique on donne la réponse. Et pourquoi pas Thierry. Ça te va? Vas-y. Que dit un citron policier à un voleur? Que dit un citron policier à un voleur? Ah, vous avez 3 et quelques minutes pour réfléchir, c'est ça? Ça, c'est ce que j'allais dire. Vous aurez la réponse après Ixon, Good Day, donc sur Indestar, et on revient juste après. Peak Avenger, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. En tout cas, c'est sur Indestar, ça c'est certain. Et sur Indestar, donc jusqu'à 23h à peu près, voire un peu au-delà, vu comme on est parti, comme très souvent, on veut dépasser et nous étions avec Ludovic au téléphone. C'est bon, Ludovic, tu nous entends ce coup-ci ? Je t'entends bien. Ah, bah là, tu nous entends bien ? Là, c'est bon aussi, là, pour nous, c'est bon. Ok, nickel. Alors, ne bouge plus. Et nous non plus, on ne bouge plus. J'ai envie de dire, plus un zeste, c'était la réponse et ben voilà. À l'énigme posée juste avant la musique. Que dit un citron policier à un voleur ? Plus un zeste ! Plus un zeste. Aïe, aïe, aïe. Du Thierry. Pika, pika. Et le voyou, il répond, je suis pressé. Eh ben voilà. Bien vu Ludovic. Un citron, c'est forcément pressé tôt ou tard. Alors donc ton livre Félix à la PJ se termine donc après, donc il y a ce fameux repas bon, qui n'existe plus maintenant, tu as bien insisté dessus, ce sont des méthodes qui ne se font plus. Et le repas se fait, donc tu tombes pas dans les magouilles que veulent te proposer les malfrats. Et donc, pour essayer de mettre un peu l'eau à la bouche du lecteur, ce premier volume se termine comment ? Donc, on a vu ton enfance, on a vu que tu as connu ton épouse, que l'on a, je crois, si je me rappelle bien, rencontré, qui était avec toi le jour où on s'est rencontrés. Oui. Et là, dans ces cas-là, quand je dis ça, j'ai toujours peur de faire une bêtise. Faut faire gaffe, ouais. En fait, pour tous ceux qui ont lu le livre et qui m'ont fait des retours, oui. Ce qui est attendu dans le second tome, je n'ai toujours pas expliqué comment je deviens inspecteur de police. C'est vrai. C'est quand même mon rêve de départ, avec un obstacle, je n'ai pas le bac. Oui, c'est vrai qu'il y avait... Oui, oui, il y avait... Donc, c'est vrai que ça peut y être. Le deuxième tome raconte un peu comment j'ai pu accéder à mon ambition première qui était d'inspecteur de police. Et bien entendu, en aller-retour, il y a une intrigue économique et financière qui mouille la mafia chinoise et la mafia juive. Ah ouais, oui, c'est vrai que tu as, on le rappelle, été sur... J'étais aussi à la brigade économique et financière. Économique et financière, oui. Tu as été aussi sur une brigade internationale. Tu as quand même fait... tu as eu une vie bien remplie. Hein. Ça, là-dessus... Écoute, c'est Stendhal qui disait « Il faut remuer la vie, autrement elle nous ronge. » Il faut, pardon ? Stendhal avait dit « Il faut remuer la vie, autrement elle nous ronge. » Oui, c'est vrai. Ah ben ça, c'est vrai. Oui, autrement, on ne fait pas de vieux os. Et le regard du, on dirait du vrai flic par rapport à ce qu'on en voit, la version, on va dire, du flic pop culture. Quel est ce regard-là, au travers, par exemple, d'un film que tu aurais pu voir, d'une série ou de quel est ton regard par rapport à ça ? Alors, tu veux que je te parle de... La gendarme à Saint-Tropez. Très franchement, ça pourrait être ça, mais la semaine prochaine, on a une spéciale Louis de Funès. C'est prévu qu'on en parle. Justement. Et c'est prévu, justement, on a une animatrice qui sera là, en plus, qui va parler, justement, du gendarme de Saint-Tropez. D'accord, bon. Moi, je me disais, est-ce que la BD était, par exemple, ton portrait robot ? Est-ce que ta BD, c'est ton portrait robot ? Alors, ça va surprendre beaucoup de gens, mais oui, parce que à 25 ans, 30 ans, j'étais ce personnage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai 60 ans, je fais 30 kilos de plus, et c'est pas vendeur, quoi. Donc... C'est moins go fast. Ah, c'est vrai qu'à 30 kilos de plus, faire go fast, c'est compliqué. C'est un peu difficile. En revanche, je veux tirer vraiment mon chapeau au dessinateur qui s'appelle Luca Maggiano, hein, qui est italien et un des plus grands dessinateurs de BD. Et il a fait mon portrait à partir de descriptions. On lui a donné, il n'a pas voulu de photo justement, parce que c'est son mode de fonctionnement. Il a voulu imaginer à partir des éléments qu'on lui avait donnés. D'accord. Et en fait, si je vous montre une photo de moi jeune à cet âge-là, et c'est exactement ça. Ah oui, il a réussi juste avec les descriptions. Oui. Ah, ça, comme, c'est fort. Comme pour les grands-parents, pour, comme pour les parents, comme pour les parents et les grands-parents. Donc tu as tout décrit au dessinateur. Et après, oui. Il a dessiné ce qu'il pensait être bon et ouais. Ça se rapproche. Et pareil, pareil pour les montagnes réunionnaises. Quand il est passé de mes montagnes réunionnaises, je les ai décrites. Et il les a vraiment retracés. Alors, ce qu'on a remarqué, c'est que les dessins sont hyper détaillés. Il y a énormément de détails. Ah oui, ça, oui. ça nous a marqué. Ça, c'est... Oui. C'est son style. C'est son style. Et pour tout vous dire, je vous confie un scoop. On a été contacté par un gros éditeur belge pour en faire une série limitée et numérotée en noir et blanc, tellement il a apprécié les dessins. Ah oui, ça, ah c'est, ouais. C'est... Oui, ça c'est beau. Ouais. Merci pour le scoop, oui, c'est très, très joli et c'est vraiment, c'est, ça fait partie des récompenses que l'on apprécie quand on fait quand même un ouvrage, livre ou autre, d'avoir, c'est une forme de reconnaissance et ça c'est formidable. Et puis ça peut amener à d'autres récompenses parce qu'en Belgique, on est à fond, il me semble, dans la BD. Oui. Hein. Ah, c'est le lit de la BD, c'est le lit de la BD. Ah oui, bah ça, oui, la Belgique, en effet, oui. Beaucoup d'ailleurs de dessinateurs sont belges de naissance. Hein. De naissance. Mais Giovanni, ça fait pas belge. Et il paraît même qu'ils ont la frite. Oui. Il y en a qui ont la patate. On l'a aussi. Déjà un petit peu en France à partir de Lille. On a un de nos. Qu'est-ce qu'on va dire ? De nos protégés qui est déjà là. Ouais, mais pour la frite, c'est qu'on n'a pas de peau hein, quand on en a la frite. Ouais, alors bon, moi bref, je me allez. Disais dans tes personnages, là, je sais pas si Giovanni était Giovanni dans la réalité, mais par contre ça fait pas très nord. C'est pas un fabricant de pâtes, Giovanni ? Je sais pas. Un fabricant de pâtes. Comme Giovanni Panzani. T'as l'air en forme, Thierry, ce soir. C'est peut-être la même famille, on va dire. Alors, par contre, ce qu'on sait toujours pas, c'est qu'est-ce que tu ferais avec 3 millions ? Parce que tu y renonces, quand même. mais si tu les avais, t'en ferais quoi ? Aujourd'hui ? Ouais. Supposons tu gagnes l'auto, hein, pas question. Bah, ou alors, ta BD cartonne tellement que, voilà, il y a le chèque au bout, quoi. Alors, je partagerai autour de moi. J'ai pas besoin d'argent. J'ai une petite retraite qui me convient. Donc, je partagerai. Je pense que je commencerai à donner à mes enfants pour qu'ils vivent un peu mieux. Hein. Et puis, voilà. Et les amis, on ferait des bons restos. D'accord. Ça, ce sont toujours de très jolis projets, je trouve. Oui. Ça, c'est fort. Petite blague, tu peux nous chanter un tube de Pierre Perret ? Pourquoi d'un coup ? Tout, vous saurez tout sur le zizi. Ben, je crois qu'on apprend pas mal de choses sur Pierre Perret dans ta BD. Ah oui, c'est vrai, oui, j'étais en train de chercher pourquoi, c'est vrai, il a raison. Faudrait la lire un peu mieux, la BD, hein, parce que moi je l'ai lue. Hein. Non, mais je l'ai lu aussi, mais moi, j'ai retenu le coup du repas, parce que je me disais, pour moi ça faisait vraiment... Ben, les non, films. Tout à fait, c'est frappant. Ouais. Mais par contre, Pierre Perret, on en parle dès le début et on en reparle à la fin. Oui, oui c'est vrai. Oui. Quelques mots sur Pierre Perret, oui. Alors, pour tout vous dire, quand la procureure m'a chargé de l'enquête, j'ai gueulé parce que c'était qu'un vol de voiture. Quoi. Nous, on est en police judiciaire. On travaille sur des grosses affaires. J'ai gueulé, j'ai dit, mais pourquoi moi ? Qu'est-ce que vous m'emmerdez avec un vol de véhicule, quoi ? Pierre Perret ou pas ? Pour un peu que le véhicule soit plein de ses albums, qu'est-ce qu'on va en faire ? C'est ça. Peut-être que c'était les albums qu'ils avaient piqués. Bon, mais en tout cas, ça m'a permis de le rencontrer. C'était une très belle personne. C'est ça qui m'intéressait, c'était de savoir comment vous étiez rencontrés, ce que tu en avais tiré. Sans vouloir... oui, vas-y, excuse-moi, je te laisse répondre. Je l'ai reconvoqué pour savoir un peu plus sur les conditions du vol. Hein. Et puis, je lui ai dit que je le tenais au courant. Et puis, pendant 6 mois, il n'a pas été tenu au courant parce que l'affaire était importante et il ne fallait pas que ça sorte, que des éléments puissent sortir du cadre de l'enquête, notamment parce qu'on était en commission rogatoire, et en commission rogatoire, on est tenu par le secrétaire. Voilà, qu'il en fasse pas une chanson entre deux où il raconte tout, quoi. C'est ça. Ouais. Déjà qu'il disait tout sur le Zizi, alors il n'allait pas tout dire sur la PJ quand même. Hein. Non, bah. C'est ça. Ouais. Et donc voilà, c'est comme ça. Et je l'ai rappelé à la fin de l'affaire pour lui expliquer. Et il a trouvé ça hallucinant. Et puis après, on devait se revoir et chacun est pris dans son monde. Et du coup, on ne s'est pas revu. Ouais. Par contre, tu as des projets, donc tu as cette série de livres à finir déjà, les deux autres, enfin il y en a une qui va paraître, il y a un troisième volume qui est prévu plus tard, tu m'as dit juste lorsque on s'est recontacté après la première rencontre, que tu avais d'autres projets. Oui, j'écris une comédie juste deux, trois mots, hein. Oui, c'est une comédie musicale sur la fraternité. Sur la fraternité, oui. Oui, là, je me remets à répéter parce qu'on doit avoir, nous, un problème de notre côté au niveau son. Ça recommence à hacher un petit peu. Hein. D'où le moment de poser une nouvelle devinette. Oui, par exemple. Quels sont les deux nombres préférés d'un policier ? Quels sont les deux nombres préférés d'un policier ? Alors, pour ceux qui sont sur Twitch, n'hésitez pas à jouer aussi. Essayez de trouver et... On aura la réponse après, Thierry. N'appelez pas le 17. Oui, avant, il faudrait quand même remercier Ludovic de nous avoir... Oui, oui, évidemment qu'on remercie Ludovic, oui. Avec grand plaisir. Et qu'on reprendra des nouvelles, et que si tu reviens dans le coin, et ben voilà, nous on est là. Mmh. Oui. Et n'hésite pas à nous donner des nouvelles sur tes sorties d'albums ou autre. N'hésite pas, on en parlera avec plaisir. Avec plaisir. Merci à toute l'équipe, bien sympathique. Et puis, ben, je vous dis à très vite. Hein. D'accord. Avec plaisir. Et merci pour les dédicaces aussi. Oui, hein. Oui, c'était sympa. Il n'y a pas de souci. Et je vous dirais juste que ce soir, on a cassé un peu les habitudes parce qu'on a effectivement l'habitude de parler de la police sans la police. Et ce soir, nous avons proposé aux éditeurs de parler de la police avec la police. Oui. Et c'est quand même plus sympa. Tout à fait. Ouais. Ça nous fait une belle rentrée. Nous, on est super contents de démarrer comme ça. Oui, parce que nous, c'est notre rentrée de l'année. En fait, espérant qu'on ne mettra pas la misère pour cela et qu'on sera encore là la semaine prochaine. Ouais. Qu'on ne sera pas en prison. Oui. Alors, bon, Oui, vas-y, Daniel. Alors, enlevez vos doigts parce que je raccroche. D'accord. D'accord. Justement, on allait te souhaiter une bonne soirée, remercier d'avoir pris un peu de temps. Et si tu es à la fin de l'émission, si tu as un peu de temps libre que tu nous écoutes, tu pourras prendre des cours pour savoir comment appeler la police dans les autres pays. C'est ça. Merci beaucoup, Ludovic. Merci à toi de nous avoir appelés. Et merci. Nous, donc, on va se retrouver avec Paris-Venise Fever. Et juste après, vous aurez la réponse à la devinette. Quels sont les deux nombres préférés de la police ? Donc pour Twitch, n'hésitez pas à jouer. Et on se retrouve juste après. Je me présente, je m'appelle Henri. Je voudrais bien réussir ma vie, être aimé et avoir la carrière de balavoine. Je chante dans ma chambre, j'enregistre, je fais écouter aux copains, ils aiment bien, mais j'aimerais aller plus loin. Tu sais que c'est possible. Ah, et comment ça? En envoyant tes prods à indestar@live.fr ou en MP sur Facebook. On écoute, on te répond et on peut t'annoncer ton premier passage radio sur Indestar. Là où tout commence, même pour toi. Salut, c'est Linda. Tu penses trouver ta voix en donnant de la voix? Je suis animatrice sur Indestar dans Vita Conso le vendredi soir. Animation, réalisation, communication, écriture, viens faire de la radio avec nous. Rendez-vous sur indestar.fr, rubrique Rejoins-nous. Indestar, là où tout commence, même pour toi. Venez. Entrez dans la danse. Indestar, là où tout commence. Tonight, Indestar. Là où tout commence. Là où tout commence. Before you came around, I was doing just fine. Usually, I don't pay no mind. And when you came down, I was looking in your eyes. Suddenly, I can feel it inside. I've got a fever, so can you check? Head on my forehead, kiss my neck. And when you touch me, baby, I turn red. I've got a fever, so can you check? Peut-être qu'avec du temps, ça partira. Et pourtant, je ne m'y vois pas. Comme un médicament, moi je suis rien sans toi. Et je sais que je perds du temps dans tes bras. I've got a fever, so can you check? J'ai du feu dans la voix. Le plus souvent, c'est quand je pense à toi. Hey les amis, la pop culture, c'est Peak Avenger sur Indestar. Oui, c'est Peak Avenger sur Indestar. Pika. Et juste avant, on avait fait une petite devinette. Justement, quels sont les deux nombres préférés d'un policier? Kyo, qui est sur le chat Twitch, a eu la bonne réponse avec le 1 et le 10. Parce que 1, 10. Voilà, c'est ça. Wow, bien joué, Thierry. Si vous avez joué au Cluedo, vous avez peut-être trouvé. Bon, c'est ça. Alors c'est peut-être ça. Que Kyo sur Twitch a joué au Cluedo, va savoir. Donc, nous sommes toujours sur l'émission Police. Et là, je vais vous parler d'une série que j'aime beaucoup, qui était Hawaii 5-0. Bah, même qui est toujours Hawaii 5-0, vu que j'aime toujours ça. Ils sont pas passés à 5, 1, 5-2. Non, ils sont pas passés à 5-2. Non, il y en a un qui est toujours Fanny là-dedans. 5-0. Oh putain. Fanny. Pika. Oh, au secours. Au secours, c'est compliqué là. Donc, c'est une série américaine qui a 240 épisodes. Et au total, et chaque épisode dure 42 minutes. Regardez-les tous. Ouais, c'est pas attraper-les tous, c'est regarder-les tous, la théorie. Sincèrement, oui, regardez-les tous. Oui. Donc, dans cette série, on va suivre le commandant Steve McGarrett, qui est joué par Alex O'Loughlin, qui est un SEALS, donc force principale de la marine américaine, pour ceux qui ne savent pas, qui va revenir sur l'île d'Oahu, donc sur Hawaï, pour enquêter sur la mort de son père, qui a été tué au tout début. Donc là, il va commencer, sauf que problème, l'enquête a été donnée à quelqu'un d'autre. Et là, on va faire la rencontre de mon personnage préféré, Danny Williams. Ou comme tout le monde l'appelle, comme ses proches l'appellent, Dano. Sauf que bon, par rapport à certaines personnes, il n'aime pas trop ce surnom-là. Donc lui, Danny Williams, est joué par Scott Kahn. Donc à eux deux, ils vont créer l'unité spéciale, donc 5-0, qui vont avoir l'immunité totale en fait. Ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. C'est mieux que l'immunité parlementaire apparemment. Ah ouais, c'est au-dessus. C'est le gouverneur d'Hawaï, il leur a dit: vous avez l'immunité, je prends tout sur moi. Ah bah, résultat, on se retrouve avec un gentil flic, donc comme Danny, qui, lui, va suivre la procédure un petit peu, va pas précipiter les choses. Et à côté, on va voir son équipier Steve, qui, lui, va faire tout ce qu'il a appris chez les SEALs pour faire parler les suspects. Que ce soit illégal ou pas, d'ailleurs. On va le voir à plusieurs reprises menacer les suspects. Déjà, même dans les premiers épisodes, on le voit tenir un suspect la tête en bas quand même. Ça veut dire que ça, c'est pas une pratique d'un autre âge qui est terminée, comme nous disait Ludovic. Non. D'une part, c'est déjà aux États-Unis. Bon, d'accord, ils sont très judiciarisés là-bas. Mais en plus, comme disait Kevin, il a l'immunité totale. Voilà. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Donc, c'est vraiment, peu importe ce qu'il va faire, ça va être « Oh, bah, c'est pas grave, le gouverneur m'a dit ok, donc c'est bon. » Nous. Même un Death Note, ça marcherait pas là. Ah non, même un Death Note, non, ça ne marcherait pas. Après le Death Note, tu peux pas faire parler. Mais c'est un autre débat, ça. Donc dans l'équipe, il y a également Chino Kelly, qui est joué par Daniel Daikin. Ah, je croyais que c'était Daniel, l'autre, le vrai, le mien. Non, c'est pas toi, Daniel. Non, ça marche pas comme ça. La doublure ? Non, mais j'allais dire, je me rappelle pas avoir joué dans la série. Hein. Non, puis je pense pas que t'es le bon gabarit pour jouer dans la série, bon, non d'accord. Plus, Daniel. T'as pas encore l'immunité. Oh, peut-être l'immunité d'Indestar, mais c'est pas l'immunité du gouverneur. C'est pas la même, quand même. C'est déjà pas mal. Ai-je l'immunité du président d'Indestar ? Ça, on lui demandera un jour. Ouais. Donc faudra revenir au prochain épisode pour savoir. Moi je m'interroge seulement pourquoi t'as pris tes distances là. C'est Covid ou... Ouais, j'avoue que il est vachement loin à côté de nous. Non, c'est qu'en fait Bébert voulait être là parmi nous. Il voulait un micro et il avait que cette place là. Oui, donc oui, qu'on explique pour ceux qui sont sur Twitch et qui nous découvrent, Bébert est la mascotte de notre émission. Quick. C'est un petit cochon rose qui, bah là on le voit d'ailleurs à l'image, qui a un micro. Un jambon vu de dos. Ouais, un jambon vu de dos. Donc là, on voit Daniel qui fait l'andouille avec. Ah bah écoute, avec un cochon, on peut faire de l'andouille, effectivement. C'était pour ça, oui. Et il apparaît aussi sur nos écrans. Hein. Oui. On a un petit logo qui scintille, là. Oui, et on a un petit Pika qui est là. On a mis les menottes, d'ailleurs, déjà. On l'a attrapé. Il a fait quoi comme bêtise ? Faut demander au 5-0 ce qu'il a fait ? Bah, je crois qu'il nous a donné un peu trop d'électricité, le Pika. Ah. C'était peut-être pour lui dire bienvenue dans notre cellule. C'est pour ça que je demandais les dimensions en off, parce que je me disais c'est une cellule pour combien de personnes ? Parce qu'il y a des dimensions par rapport aux personnes qu'on devrait mettre. Mais en fait, ça fait qu'on ne respecte pas, parce que quand on ne sait pas où mettre les gens, bah, on entasse. Oui, on entasse et encore. Et dans le 5-0, donc il n'y a pas que ces trois-là. Il y a la cousine de Chin qui en fait partie également, Kono Karakawa, qui est jouée par Grace Park. Pour finir à l'équipe, il y a le petit dernier, qui n'est pas si petit que ça d'ailleurs, le capitaine Lou Grover, qui en termes de taille doit pas être très loin de Daniel. Donc même un peu plus. Ouais. Et en longueur ou peut-être dans tous les sens. Ouais, peut-être dans tous les sens. Longueur, largeur et hauteur, parce que franchement, c'est il y a un beau bébé comme on dit. Hein. Ouais. Quand tu le vois qui te stoppe, tu te dis ouais, je vais peut-être m'arrêter en fait. on va pas aller plus loin. Ça fait mal autrement. Donc, ils vont avoir plusieurs enquêtes à mener. Ils vont notamment essayer, dans les premières saisons, de retrouver l'assassin du père de Steve. Donc, évidemment, pour essayer de se venger, tout ça. Bon, enfin, bref. C'est quand même un policier qui est un ancien des SEALs. Donc, forcément, il n'a pas les mêmes méthodes que les policiers classiques. Ce qui fait que ça fait un duo assez comique avec Danny, qui, lui, est très droit. Et d'ailleurs, Daniel, il me semble que tu aimes bien ce duo-là, en plus. Ah, c'est assez extraordinaire, quand même, parce qu'il y en a... Alors, je précise en plus que donc le commandant Steve McGarrett, là, qui est le chef de l'unité, oui. C'est un avare, il est près de ses sous. Dès qu'il y a le moindre centime à dépenser, il trouve une solution pour ne pas le dépenser. Donc c'est une sorte de Louis de Funès. C'est un peu Louis de Funès dans l'avare. Et donc il y a ce personnage là qui en plus est, c'était un commandant des SEALs, donc habitué à vivre donc à être au cœur de l'action, à se débrouiller pour que la mission soit réussie par tous les moyens, donc par tous les moyens ce qu'on lui demande au 5-0. Et de l'autre côté, comme tu disais, Danny Williams, qui lui... Tiens, c'est Daniel d'ailleurs, son prénom. dans la série. Oui. Qui, lui, comme tu disais, est très droit. Donc, ils sont toujours en train de s'écharper. Toujours en train de se battre. Enfin, ouais. On dirait moi et mon frère. Voilà. C'est totalement la même chose. Très souvent, en plus, dans la voiture de Danny, qui est conduite par Steve. Oui. Donc. D'ailleurs, il y a un épisode où il rencontre un voleur. Et le voleur commence à faire la loi, puis il fait à Steve un moment « Oui, d'ailleurs, si on en croit les lois de notre beau pays, c'est un vol que vous faites, la commandant. » Le voleur qui se permet de faire la leçon au commandant, quand même. C'est très ironique. Ouais, mais c'est génial. Oui, oui, exactement. Résultat, c'est « Il n'y aurait pas ça. » J'adore les paradoxes, vous le savez. Oui. Oui, c'est vrai que toi, Thierry, tu adores ça, oui. Et donc, on va avoir plusieurs enquêtes. Évidemment, ils vont les résoudre. Et c'est une série que je conseille de regarder, vu qu'elle est extrêmement sympa. Alors, on la regarde sur quelle chaîne ou sur quelle plateforme ? Ils sont sortis en DVD, Blu-ray. Là, actuellement, ils passent également sur Paris Première, il me semble. Sur Sister. Ils sont sur Paris Première aussi. Ah, aussi, oui. j'ai pas vu Paris Première. Les chaînes du groupe M6, hein, ouais, c'est les deux. Ouais. Ils passent encore à la télé. Ouais. Honnêtement, je vous encourage à aller la découvrir. Et je pense que vous allez bien vous marrer sur ce duo qui est Steve McGarrett et Danny Williams. Oui, un duo en plus qui est renforcé d'un point de vue comique depuis qu'il y a le capitaine Lou Grover, justement, oui. Qui ramène un autre humour. C'est ça. Et finalement, si je peux me permettre, Kevin, quand je le regarde, j'ai toujours l'impression d'avoir un petit côté franchouillard dans leur façon de faire. Vraiment léger. Ah ouais ? Et voilà, un petit peu... La façon de faire les répliques quand ils sont en train de se chamailler. Tu parlais de Louis de Funès tout à l'heure, et c'est vrai que. Voilà, il y a un côté chamaillerie. Alors, je ne vais pas dire que c'est Louis de Funès, il ne faut pas exagérer non plus. Mais oui, comme disait Kevin, conseillez de la regarder. C'est vrai que. Oui, si vous aimez passer un bon moment avec de l'action, de l'humour, et vraiment quelque chose de pas lourd et qui se regarde bien, c'est vrai que c'est. Oui. Et à propos comme ça de séries policières, Kevin, je viens de te transmettre une petite question, une petite devinette qui pourrait poser des questions à ceux qui aiment les séries policières. C'est ça, puis évidemment sur Twitch, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. Pourquoi un jeune homme se réjouit-il de se faire arrêter par la police ? Donc... Répondez-moi à ce paradoxe. Pourquoi voilà. D'habitude on ne se réjouit pas et il y a un jeune homme, il se réjouit de se faire arrêter. Et ouais, donc... chouette, je me fais arrêter. Oui. Je veux un coup de panier à salade. Ouais, c'est ça. Et donc, on donnera la réponse après la musique, évidemment. Vu qu'Indestar, radio musicale, musique également. Maestro. Oui, on va écouter Alexia Grady, Paradis. Et c'est sur Indestar. Oui. Souvenir, ne garder rien qu'un soupir, s'en aller en J'adore quand Peak Avengers se déroule sans wagon. Alors, ça, c'était un petit fail de Daniel, ça. Oui, alors là, ce coup-ci, il y a eu un gros accro. Ah oui, là, c'était le bon jingle, en plus, là. Complètement. Donc... Vous voulez que je le remette quand même, qu'on l'entende? Bah, écoute, moi, j'aimerais bien savoir ce que c'était, en fait. L'agence touriste de la pop culture, c'est les Peak Avengers sur Indestar. J'adore quand Peak Avengers se déroule sans accro. Ben ouais, puis ça allait bien avec le sujet que t'as fait avant. Bon. C'est ça, ouais. Donc... Comme à chaque fin d'émission pour Peak Avenger, on a repris le petit jeu aussi. Et cette fois, comme tu nous as dit tout à l'heure, Daniel, c'est toi qui t'y colle. La réponse. Mais avant, oui. Justement, j'allais y revenir, mais avant, Thierry, on avait fait une petite devinette. Pourquoi un jeune homme se réjouit-il de se faire arrêter par la police alors que tout le monde la fuit? Eh ben, lui se dit « Ouais, enfin !» Mais pourquoi? Oula. Est-ce qu'il y a eu des réponses sur Twitch? Non, il n'y a eu aucune réponse sur Twitch. Il n'y a eu aucune réponse. Ben en fait, depuis le temps que ses parents rêvent de le voir rentrer dans la police, il n'a pas tout compris. Ouais, je crois qu'il n'a pas tout compris, ouais. Et il n'est peut-être pas free aujourd'hui. Oui. Peut-être, peut-être. Donc Daniel, quel va être le jeu, là, cette fois? Le jeu, alors... Quand vous appelez la police, il y a eu une phrase célèbre. Alors, depuis le temps que je ne les ai pas appelées, je ne sais pas si elle tourne toujours. Mais il y avait une phrase célèbre. Vous avez demandé la police, ne quittez pas. Hein, oui. Donc, voilà, bah, je vais vous donner un exemple de ce que ça donne. Hein. D'accord. Attends. Ne quittez pas. Ah non, mais attendez, je déconne. Vous avez demandé la police, ne quittez pas. Ouais, bah là, voix oui, d'ordinateur. C'est, oui. Voilà, c'est une policière de nuit qui est un peu fatiguée. La là. Voix d'accord. Pixelisée. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai enregistré sous d'autres langues l'équivalent de... Alors, c'est peut-être pas ce que vous entendrez si vous allez dans ces pays-là, mais l'équivalent de... De la Google Traduction. Voilà. D'accord. Voilà, donc je l'ai enregistré. Je vais commencer par un très facile. Alors, hein, juste avant, Daniel, oui, juste pour dire un peu qui va jouer, il y a donc moi, Thierry, Théo qui nous a rejoint. Bonsoir l'équipe. Oui, mon pauvre, on t'a un peu oublié. Ah non, mais bon, bah en plus, j'apparais pas. C'est vrai que si vous êtes sur Twitch, vous ne me voyez pas parce que je suis derrière Pikachu et, alors, et là, derrière Bébé. Ah, c'est vrai, bah coucou, non, le mais bras, voilà. C'est qu'en fait, il est monstrueux ce soir avec un casque, ouais. Ça lui va pas du tout. Monstrueux à ce point-là. Merci, Daniel. Donc, on est nous trois à jouer, mais évidemment. Pour ceux qui nous regardent sur Twitch, n'hésitez pas à jouer également avec nous à la maison. Alors techniquement, oui, ah non, aussi, j'allais dire, on est quatre, mais non, il ne joue pas, vu bah que non, il fait, fait le jeu. Oui. Mais ça t'arrive de réfléchir? Non, non, mais bon, parce qu'il y a Bébert quand même qui joue. D'a-t-il oublié? J'essaye de trouver une porte de sortie. Ouais. Pika, Pika. Voilà, ouais, et puis il y a Pikachu. Après, il y a Pika aussi. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, on ne lui a toujours pas enlevé ses menottes, le pauvre. Ça ne nous a toujours pas plu, son explication. Alors, je vais commencer par un... Oui, je peux vous... Excuse-moi, je t'ai interrompu. Alors, juste avant, Bébert, tu as un bonjour de la part de Kyo dans le chat. Ah, de Kyo? C'est Kyo comme le groupe Kyo, hein. J'avais juste une dernière danse. Non. Alors, je ne pense pas, mais... Bah, je sais pas, moi. Peut-être, va savoir. C'est comment? C'est K-Y-O? Oui, c'est ça. Ouais, bah comme, ah ouais, bah comme Kyo, comme quoi. Le groupe que ouais. J'aime bien. Comme le groupe que enfin, quand c'est le groupe qui chante. Oui, Bébert vient ça, de me dire fait. Que oui, il voulait bien une dernière danse avec Kyo. Alors Kyo, voilà. Bah, tu as gagné une danse avec Bébert, voilà. Déjà. Pikachu, c'est pas possible, il est toujours menotté. Hein. Ouais, puis je pense qu'il restera menotté, peu, le pauvre. Ouais, le pauvre. Alors, quand même, pour le début du jeu, je vous ai prévu quand même quelque chose de facile. Oui. Très simple. Allez. Je pense que vous allez tous trouver quand même. Là, on fait quoi? On lève la main ou on donne la réponse? Oh, gueule. On gruche tout le monde Non, bah vous... Oh gueule, comment chacun notre tour. On gueule, on alors, gueule, d'accord, ok. Oui. Ça me va. Ça me rappelle d'autres émissions d'une dans, star, moi, ça me dans quelle langue est traduite la phrase de départ? Parce que le premier, tout le monde va trouver. Alors, attends, ça alors, sera un au point départ, pour tout le monde. Moi, ce que je te propose, Daniel, autrement, c'est qu'on donne chacun notre tour, vu qu'autrement, pour ceux qui jouent sur Twitch, ça va être compliqué de répondre en un quand même. Ouais. Alors, on regarde d'abord si sur Twitch ça répond. Ça répond vite sur on Twitch laisse, il, on il y a 4 secondes de décalage à peu près. Il y a 4 secondes de décalage. Ça fait un blanc, ça. Pikachu, alors, aime les jaunes, mais non, pas mais les blancs. Dans ce cas, ce qu'on va faire, On va donc je vais lancer là comme là. Mmh. Oui. On va rien dire. On d'accord. va laisser Twitch répondre et vous nous direz vous si vous d'accord. êtes d'accord avec la réponse de Twitch. Hein okay. D'accord. Hein alors comme c'est et le si premier... on n'a pas de réponse sur Twitch, qu'est-ce qu'on dit? Eh ben on raconte une dernière énigme. Bah, s'il y a pas de s'il y a pas de réponse, Twitch bah, dira on n'a pas de réponse et puis dans ce cas-là attends. Vous nous direz ce que vous pensez. Alors la première très simple, je pense que même Twitch va. You asked for the police. Don't quit. Ah là, il y en a un qui a trouvé tout de suite. C'est pas l'accent oui. de la reine, mais... Allez, je répète. You asked for the police. Don't quit. C'est marrant parce qu'elle a l'air plus naturelle en, oui. en ouais, cette langue que... qu'en français. Oui, non, mais ouais, en français, j'ai dû l'apprendre à 2h du mat. Vous avez demandé la police, ne quittez pas. J'avoue que ça s'endorme. On a l'impression que la personne ne sait pas trop lire. Ouais, non, mais le problème, c'est que le temps que t'entends ça, ça t'endort. T'as peut-être pas quitté, mais finalement, tu t'es endormi. Donc, C'est vrai, c'est ah, vrai. Bon. Bon, alors, est-ce qu'on a des réponses? Alors, un indice, God Save the King, maintenant. Now ah oui, the c'est king, vrai. Yes. Alors, attends une réponse, quand même. Alors, Twitch, pour le moment, bug un peu. Je oui. pas. Bon, bah, alors. C'est bon, attend, je viens d'avoir la réponse, c'est anglais. Le voilà, ouais, c'est bon. Anglais, c'est exact. Bravo, bravo. À qui? Kyo. À qui? So British, Kyo. You know my alors, dear. Alors, Kyo, merci. Je sais pas si on pourra faire une récompense pour notre première... C'est une Twitchose, hein, c'est ça? Nous viewer, avons... on dit. Ouais. Viewer, bah, j'avais envie de faire original. Non, mais tu pourrais. Nous sommes dans Peak Avenger, on fait que des choses originales. Hein hein on nous sommes un peu anticonformistes. Ouais, mais à la limite, la Twitcher ouais. ou le Twitcher, ça serait celui qui stream, que celui oui. qui Twitch. Oui, sauf que ça serait ça nous, s'appelle quoi. Le streamer. Ah, bah, alors, ouais, c'est un streamer, c'est un. Ouais, c'est pour toutes les alors, plateformes, ça. Viewer ou viewers, comme c'est le premier ou la première. On bah. Réfléchira à une petite surprise dans oui. les semaines à venir. Mais dans les semaines, parce qu'on n'est pas pressé. C'est ouais, vrai. C'est ça. Allez, j'en le deuxième, fait. Je pense que quelqu'un va trouver. C'est le deuxième. Anata wa keisatsu ni tanonda. Yamenai de. Allez, vous en voulez. Déjà vu. Il y a un accent qui fait penser à. Anata wa keisatsu ni tanonda. Yamenai de. Oui. Ah, oui. oui. Yamenai de. Ça alors, vous dit rien? Non, de, oui. Bah alors la langue en elle-même, comme ça, pas forcément, mais avec le petit accent, moi, ça me fait penser. On sent que ça vient alors, de loin. Ouais. Allez, Théo, on va te laisser répondre comme. Bah, je dirais japonais. Oui. Qu'a dit Twitch? Rien encore? Si, Twitch a dit japonais aussi. Ouais. Ah, c'est bien. Oui. Je suis d'accord bien. Donc avec Twitch. Oui. Bon, alors là, pour l'instant, c'était alors, facile. Moi, je suis d'accord ça. Avec Twitch aussi. Hein. Là, ça va se compliquer et on va arriver sur des trucs complètement attention. Délirants. Daniel nous attention a fait un attention les oreilles. Aapne police ke liye kaha, choro mat. Choro mat, hein. Je répète. Enfin. Aapne police ke liye kaha, choro mat. C'est marrant parce que j'aurais dit japonais aussi, moi. parce que non. c'est le même bon, type de voix, indice, en fait. Un 10, c'est en Asie, quand même. Ouais, ouais c'est pour ça. Ouais. Mineur, majeur. C'est la même qui a fait... Ouais. on m'a pas dit si il était mineur ou majeur. Enfin, il était mineur ou majeur. Hein, c'est le cas. Je ne sais pas. Hein. Pas de proposition du côté de Twitch, encore? Non? Alors, Twitch, pour le moment, est juste mini. Twitch est d'accord avec Théo. pour la vanne. Donc, c'est tout ce qu'il y a eu pour le moment. Bon, alors, des idées, là. Tous les... Tiens, Kevin, commence. Une idée. Un pays. Moi, je dirais Corée. Asiatique. Non, perdu. Ah. Thierry. Alors, Chine au sens large. Mais non, après, pas y a du plein tout. De... Hein Taïwan. Non. Eh ben, Twitch a dit Taïwan aussi. Ah. Non, mais vous êtes quand même vachement raccord avec Twitch. Moi, je ne l'ai pas sous les yeux. Mais ce qui nous trompe peut-être, c'est que c'était la même voix donc, ou le même type de voix. Donc, on s'est dit, oh, bah, ça doit être dans le coin. Mais si ça se trouve, mais c'est asiatique. Il a dit que c'était asiatique, oui, quand même. Le Vietnam, bien. Non, tu te rapproches. Ah. Indien. Tu te rapproches. C'était l'Indie, en effet. Ah oui, ok. Voilà. Il a fini par trouver au bout de la septième réponse. Quand on a fait tous les pays d'Asie. Non, j'en ai donné que deux. Monsieur. Non, mais je parle de la septième réponse. La septième collégiale. Oui, t'allais pas donner la même que moi, ça serait. bah, forcément. Allez, on passe au suivant. Ζήτησε στην αστυνομία, μην τα παρατάς. Ah ouais, je vois plus là. Enfin, ça donne envie de manger mexicain ou je sais pas trop quoi, mais. Ζήτησε στην αστυνομία, μην τα παρατάς. Alors, il y a un indice à la fin, ce sont pas les faritas, c'est pas mexicain. Oui, les saparatas, ça sonne quand même. Hein. Oui, ça. Oui, ça sonne quand même, mais c'est vrai que j'ai oublié qu'on avait un décalage avec Twitch, et puis le temps oui. de répondre, d'écrire. C'est hein ça. Donc, il y a quelqu'un qui a une idée apparemment, là, non? Je sais pas. C'est-à-dire que c'était le truc en as, parce qu'effectivement, faritas, enchiladas, ouais. tous les trucs mexicains. Sauf qu'il y en a d'autres qui sont en as, des fois. Hein. Oui. Je dirais connasse. Espagne, c'est espagnol, non? Moi, j'aurais c'est dit pas espagnol. Très loin, c'est en Europe, c'est autour de la Méditerranée. Allez, je vous le remets parce que ça va vous aider quand même. Ζήτησε στην αστυνομία, μην τα παρατάς. Ah, ça vous aide, hein. Oui, moi je dirais italien. Tu te rapproches. Merde. Croatie, Slovénie. Tu te rapproches. Slovénie, tu recules. Ah bon. Ouais. Allez, descendez plus bas, plus bas, à la Grèce. Ouais, ouais, c'est grec. Si vous appelez la police au téléphone en Grèce, vous entendrez. Ζήτησε στην αστυνομία, μην τα παρατάς. Enfin, s'ils si disent ouais, vous avez appelé la police, ouais, ça se trouve, pas. Complètement. Ça se trouve, t'entends allez, juste des coups de feu. C'est pas la Corse. Allez, là, je crois que ça devrait être facile pour quelqu'un. Ah, Twitch, je sais pas. Você pediu à polícia, não desista. Ah, oh, on dirait Macha Meryl. Ça donne presque envie d'appeler la SNCF. Ah, tu veux appeler la SNCF? Allez, appelle. Você pediu à polícia, não desista. Ah, je peux dire? Bah, oui, il peut dire là, Kevin, ou... Twitch n'a pas de réponse, donc non, pour moi, il peut. Le portugais? C'est le portugais. C'est le portugais. Oui, j'ai l'impression que ça dit, si vous voulez appeler la police, n'hésitez pas. Mais ils sont gentils, les portugais, ils sont courtois. Ils sont chauds comme les autres. Ouais. Oh, allez, que je fasse pas de bêtises. Preguntaste por la policía. Ah, bah, no te rindas. Pregunta, c'est no t'abéné. Ouais, voilà. Ouais. Là, on n'a pas pu le retenir. Ouais, je les ai mis l'un à côté de l'autre. Je me suis dit, dans la vraie vie, ils sont l'un à côté de l'autre. Donc, ouais, mais on tu va vois, pas les séparer. On dit souvent, ça se ressemble, etc. Ouais, là, clairement, je trouve pas. Hein. Tiens, je vais les mettre l'un après l'autre. C'est vrai que você ça. Você pediu a polícia, não desista. Ça, c'est portugais. Preguntaste por la policía. No te rindas. D'abord, il y a l'accent, c'est preguntaste oui, la policía. Ouais, on reconnaît l'espagnol. C'est marrant parce qu'en plus, c'est une voix de synthèse, hein, mais on reconnaît l'accent espagnol. Ouais. Oui. Ouais. Puis, tu avais reconnu aussi. Hein. C'est très, très bien. Je ne sais pas quoi dire, alors. Ouais, c'est ça. C'est très bien parce que, en fait, j'étais en train de chercher où j'en étais. Mm-hmm. D'accord. J'étais en train de chercher le numéro. Bah, tu m'étonnes en mélangeant toutes les langues que tu saches plus tenir la tienne. Ça, Déjà qu'une langue, il a du mal des fois, donc avec tout ce qu'il a à faire, là, je te dis pas. Quand il apprend des langues, en fait, il fait tout. Tu sais, il apprend toutes les langues en même temps, Daniel. Oui. C'est un donc, nouveau concept. Allez, je refais le. Preguntaste por la policía. Ouais. No te rindas. Eh ben, j'aurais pas dit mieux, Daniel. Voilà. Donc, vous avez appelé la police. Ne quittez pas. Et maintenant, nous allons... Du bas en politie. Ikke slutt. Ikke slutt. Ikke slutt. Alors, tu peux le refaire. C'est pas un nom d'oiseau. Oui, je peux. Enfin, oui, je peux le refaire. Du bas en politie. Ikke slutt. C'est mignon, hein, je trouve. Hein. Oui, ikke slutt. Ikke slutt. Ikke slutt. Ne quittez pas. Non, mais on dirait presque un bruit de Pokémon, la fin. Itektiko. Ça ferait presque un bruit de Pokémon. Ça, je ne sais pas du tout. Ah, ils vont être contents. Alors, c'est quoi, les Pays-Bas? Ah, pays nordique déjà, oui. Suédois. Tu te Chris Prost. Le Chris Prost. Chris Prost en suédois, ça se dit Chris Prost. Et Twitch a dit quelque chose? Non. Twitch ne dit rien pour le Twitch, moment. Twitch, allez, je remets ça pour Twitch. Hein. Du bas en politie, ikke slutt. Allez, le Pokémon, qui va trouver d'où c'est vient danois le Pokémon? Pas très loin, j'en ai parlé du pays tout à l'heure. Ah. Alors Twitch a dit danois aussi. Okay. Danois, bah oui, non, bah, c'est juste au-dessus. Norvège. Exact. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour qu'il trouve, hein? C'est quand même fou. Hein. Et, attends, on a tourné autour. Non mais Daniel, au pire, si vous vouliez avoir la réponse, bah allez réécouter le podcast et comme ça vous l'aurez avant nous sur indestar.fr. Allez, le huitième. Du bas en politiet, lad være med at holde op. Oh là là, oui, ça, c'est vrai. Voilà. Je crois savoir. Ouais. Je pense savoir ce que c'est, ça. Il n'y a aucune voyelle dans le truc. Ou il ne les prononce pas, ça, c'est possible. Alors, moi, on m'a toujours dit, quand j'étais en cours, si tu comprends rien, c'est de l'allemand. J'ai rien compris, donc je vais dire que c'est de l'allemand. Non, ça serait plus articulé. Mais ça pourrait être les Pays-Bas à côté, que je disais tout à l'heure, parce que ça ne se prononce pas du tout pareil. C'est plein de H et de J. Mais... Alors, avec l'allemand, t'es quand même pas très loin. Ouais. Oui, ben moi, j'aurais dit allemand aussi, en fait. Hein. C'est quand même pas loin. Hein. T'as venu au club de ce quand on t'a dit. Vous me l'avez dit deux ou trois fois tout à l'heure, là, juste avant, au lieu des Norvégiens. Ah, bah, on a dit les Danois. Les Danois, voilà. Danois. Je me suis rappelé deux ou trois fois, je me suis dit, qu'est-ce que Théo a dit et que Twitch a pu dire? C'était donc, le danois. Les salamis. Les salamis. Ouais, bah, depuis, il s'est lavé, il est propre. Bah, c'est pas très beau le danois, enfin, tous les cas pour la police. Hein. Ah oui, non, mais c'est vrai que. Je réécoute le norvégien parce que c'est l'un à côté de l'autre. Du bas en politie, ikke slutt. Ça, le c'est bien, ça. Ça, c'est le Pokémon norvégien. Ouais. Du bad om politiet, la vær med at holde op. Ah, c'est la vær med at holde op, là. J'ai l'impression qu'on réécoute une émission à l'envers. C'est ça, ouais. Oui. Aurait-il une angine de comptoir, comme tu parlais tout à l'heure, hein. Oh là. Ça, c'est pas impossible, hein. Donc, après le norvégien et le danois, on va changer de pays encore, on va encore voyager. Alors, c'est mieux si tu nous as fait que des pays différents, quand même, de changer de pays. On signale quand même qu'on n'y va pas en jet privé, hein. Oui. Oui, quand même, ouais. On est cool. Même si c'est pas loin, on n'y va pas en... Daniel, je me permets juste pour te poser la dernière question, comme ça on va finir ton jeu et puis on donnera la réponse à la fin. Oui. Quel est le comble pour un policier ? Vous savez, on a toujours quel est le comble pour. Oui. Quel est le comble pour un policier ? Deux réponses attendues. Mmh. Oh. Deux en plus. Bonne fin d'émission. Bon, bah, écoutez, le jeu suite. Je crois qu'on va appeler la police justement pour nous aider. Hein. C'est ça. Brakma. Braque-moi, ouais. Braque-moi, ouais. C'est un braquemar, un braque. J'avoue que le braque-moi à la fin, j'étais pas pris quand on même. On peut se la réécouter celle-là ? Police istedin braque-moi. La police est déjà sur un braque-moi. J'entends que braque-moi, c'est ignoble. Non, non, mais. Ce qu'on appelle une hallucination auditive. Quoi. Ah, le fameux yaourt qu'on fait quand on chante. Police istedin braque-moi. C'est juste. Bah, allez, je remets le Pokémon. Du bas en politie. Ikke slutt. Police istedin braque-moi. C'est norvégien. Non, ça c'est pas norvégien. Non, puis c'est passé en plus. Celui-là d'avant, oui, c'était norvégien. Oui, c'est vrai. C'est groenlandais ou grolandais. Alors, suédois, on l'a dit. Non, on n'est plus dans les pays nordiques. Hein. Alors, Twitch a l'air de sécher sur celui-là aussi. Je vais vous aider. Russe. On retourne en Méditerranée. Ah, Croatie. Non, il va. T'as été visiter la Croatie ? Oui. Ah, ça y est, il voulait le dire, c'est pour ça. Non, mais j'essaye de tourner autour de la Méditerranée. Ah. Tu vois. Il est tombé dans un étang de grenouilles, c'est ça la Croatie. Dans quel pays vous pourriez entendre ça si vous appelez la eh police ? Eh ben, je préférais pas. Ah. Twitch attendait suédois, mais avant que tu dises que c'était autour de la Méditerranée. Donc. Ouais. Moi, je trouve que ça fait peur. Hein. Et c'est un pays que vous n'avez pas dit autour de la Méditerranée. Ah. Ouais. Le Monténégro. Non, on a monté personne ici. Malte. Non. Méditerranée orientale. Orientale, ouais. Algérie. Non, ça c'est sud. Sud au milieu, ça. Ah ouais, alors attends. Parce que... Ouais. Alors attends. Alors entre les dates, les figues et le reste. Ouais, je suis perdu là déjà. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit Dans l'est de la Méditerranée. Bah oui. Allez, je vais quand même. La Turquie. Et voilà, j'allais dire à côté de la Grèce. Ah bah oui, alors. Allez. Police istedin braque-moi. Donc c'est pas braque-moi quand t'appelles la police. Hein. Ne vous trompez surtout pas. Ouais, je me rappelle d'un seul truc en turc, c'est braque-moi. Faut pas faire de lapsus, oui, c'est important. Vu que quoi ? Tout ça ? Hein ? Je vous ai surpris, là, je vous ai pris elle en train de parler. Elle mange des panini, je sais pas quoi. Je me suis dit. À la fin. T'as l'impression qu'elle prononce mal. Ah oui, ça part comme ça. Oui, c'est ça. Vous... Totalement elle ça. Était enrhumée, la voix. Si vous cherchez le commissariat, c'est à côté des panini. Est-ce que vous voulez... c'est italien, alors. Est-ce que vous voulez le Pokémon norvégien pour vous remettre ? Ah ouais, j'ai bien. Moi, j'en peux plus, là. Non, j'en peux plus là. Déjà que l'autre d'avant, j'ai rien compris. Donc si tu me remets le Pokémon norvégien, bon, allez, je remets celui-là. Et par contre, franchement, je dirais un pays d'Asie encore, non ? Non, allez, trouvez le continent. Et déjà. Par contre, je pense qu'on pourra en faire une compile façon Actu Solite. Alors pourquoi Afrique ? J'ai vu que Théo m'a regardé bizarrement. C'est le seul pays où on n'est pas allé encore. Oui, je crois oui. Bien. Alors c'est pas un pays, c'est un continent, non, mais. Ça, tu es un continent. Ouais, alors là, celle-là. Tant tu as une couche. Ah ouais, celle-là, allez, ou elle pour vous encourager. Ouais, franchement, je vois pas. Hein. Oh. C'est, alors, c'est l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Bas. L'Afrique du Sud, du coup. C'est l'Afrique du Sud. Bon, c'est en fait c'est l'Afrikaans qui est dérivé principalement de. Ah, c'est suivant. Ils s'emballent là, toutes les voix en même temps. Ça s'arrête plus. C'est de l'Afrikaans qui est quand même dérivé principalement du néerlandais, mais qui intègre d'autres racines linguistiques. Okay. Nous attendons toujours les réponses. Quel est le comble pour un policier ? Quel est le comble pour un policier? De réponse attendue. Alors sur Twitch, il n'y a pas eu de réponse pour ça. Mais ouais, on était déjà occupé à jouer à autre chose quand même. Voilà, ouais. C'est vrai. C'est vrai que ça fait deux jeux en même temps. Hein. Ah ouais, mais non. On est des joueurs. Toujours plus. Ouais. Un seul, c'est pas assez. On a bien deux mascottes alors. Allez, le suivant. Ah, je me suis trompé. C'est le suivant du suivant. Ah, pardon. Mais Asie encore. Hein. Là, c'est. Non, pas celui-là. Ah, non. Il y avait une espèce de Al quelque chose comme Al Jazeera. Oh là là. Là, je me suis trompé. Allez, je vous remets celui-là. Ah, non, mais j'en peux plus. Moi, j'en peux plus. Il y a quand même une similitude. Oui, en oui. Afrique. Bah alors, on est en Afrique. D'accord, bah c'est. Ah ben bah les pays d'Afrique, il y en a plein. On est au milieu, au milieu. Afrique centrale. Voilà. Afrique on est au milieu. Alors, au milieu, il y a le Mali. Pouf. Ouais, ça c'est plus l'Afrique de l'Ouest. Enfin, hein. Bon, ça dépend parce que. Alors, j'ai une proposition. Alors quoi, Niger, Nigeria. Ouais. Alors j'ai une proposition pour ta devinette de Twitch. Oui. Comble pour le policier, manger des amandes. Oui, mais ça il a cherché sur le net. Mais qu'est-ce que j'en sais moi. Qu'est-ce que j'en Il faut juste savoir comment on écrit le mot amande. Comme des amandes, comme tu manges. Eh oui, mais pourquoi? Allez hop, réfléchissez au lieu de recopier ce qu'il y a sur allez, le secours. Alors attends, qu'est-ce qu'il y a comme pays en Afrique centrale? On a cité le Mali, c'était pas ça, c'est plus ouais, à l'est. C'est un pays qui n'a pas de frontières maritimes, je crois. Ouais. Allez, je le remets, ça va vous aider. Alors non. C'est la géographie en plus, j'en peux plus. Bon allez, je vais vous le donner parce que là, ouais, vous êtes là en train on n'en peut plus là. C'est le Soudan. Ah, le Soudan. C'est d'accord, au Soudan, ah, ouais. Si jamais vous allez au Soudan... Voilà. Ouais. Les dentistes ne peuvent plus rien pour vous. Ouais, c'est ça. Soudan, Soudanais, oui. Allez, on va faire celui-là d'avant quand même parce que normalement c'était prévu pour être mélangé un petit peu. Mais... Ah bah là, c'est ça, c'est l'Asie. Ouais. C'est l'Asie. Il y a un Tao dedans. Oui. Ouais. Allez, les cités d'or. L'Asie complètement orientale. Si vous êtes un peu histoire, géographie, ouais, c'est une ancienne colonie américaine. Oui. Ça vous aide, hein? Non. Taïwan? Non, non, Taïwan n'a jamais été une colonie américaine. Taïwan, qu'est-ce 5, que j'en sais? Et c'est, c'est un pays insulaire composé de plein d'îles. Ah, les Philippines. Exact. C'est bien. Bien, wesh. Voilà. Et je ne sais, bon, sais pas s'il a trouvé avec mes indices ou tout seul, j'en sais rien. Si plein d'îles. Il, plein d'îles, ouais. Il y a eu Philippe 1, Philippe 2 et Philippe In. Et Philippe In quoi, on ne sait pas. Ouais. Moi, ah, je dis, on en fait un petit dernier, Daniel. Ouais, parce que ça saoule. Hein. Ouais. Alors, je vais vous en mettre un. Ouais, je t'en mets deux. Que là, vous n'entendrez jamais quand vous entendrez appellerez la police. S'il n'y a pas de police là-bas. Ouais. Et interrogavit ad magistratus. Nequit. Nequit? Quit? Nequit. Ah, ça me dit quelque chose, cette langue. C'est pas loin de chez nous, ça. Oui, mais vous ne l'entendrez jamais. Ah bon? Alors, c'est pourquoi? Parce que c'est du latin? C'est du latin. Ah, bah ouais. Vous avez demandé ah, à la police. Parce qu'un truc on en est langue housse, latine. Ouais. Ouais. Ouais. Vous le laissez entendre quand même au cas où. On peut même l'entendre dans une église. Voilà. Oui. Ouais. Oui, c'est vrai que si t'appelles la police et que le commissariat est dans l'église, ce qui arrive très souvent. Magistratus, nequit. Une ode à la police en pleine messe. Ah, c'est ça. Oui, bah je vous ferai une petite vidéo dans ce vous cas avec les police, autres, les quelques-uns que j'ai pas passés. Que... D'accord. Ah. Par contre, je fais la petite transition sur le latin. Il est fort possible que si vous voulez apprendre le latin, que la meilleure des solutions soit d'attendre mercredi prochain. Dans l'émission La Classe qui arrive sur Indestar et il y aura certainement un cours de latin qui sera enseigné par Teddy. Teddy n'ayant jamais fait de latin. Voilà. Ouais, spoiler. Au secours. Et le latin qui peut être dérivé parfois de l'ancien grec. Tout à l'heure, j'arrête de m'arrêter à l'étymologie oui, du latin, mais ça venait aussi après. Donc, bon. Et bon, après ce petit jeu, on va peut-être écouter une musique. DJY, Hello, c'est vraiment toi. Et j'aime bien les titres comme ça vu que c'est facile à dire. Alors dedans, il y a du. À votre avis, on a mélangé quoi? Bah ça, c'est vraiment toi. Deux. Téléphone. Téléphone. Ouais. Et Hello. Hello, bah la chanteuse avec une superbe voix. Non, comment s'appelle? C'est un DJ français, Martin Solveig. Ah ouais. Ouais. Et bah, mais en qui tout dit cas, DJ, donc c'est aussi repris peut-être d'un an, d'autres choses. Oui. Bah c'est t'as un bootleg, donc non, tu veux dire Martin Solveig? Non, c'est une chanson originale d'accord, de Martin Solveig. Alors d'accord, je ne connais pas le qui chante, enfin qui est le chanteur de la chanson de Martin Solveig, mais c'est Martin Solveig. Ouais. Ok. Mais bah, en tout cas, c'est sur Indestar. Oui. Oui. Oui, oui, c'est bah, Charlie Bessard. Oui. Vas-y, Daniel. On peut y aller, hein, je pense que. Ah, on est ah prêt, pardon, hein. Non, mais j'étais ailleurs, excusez-moi. Je... Ouais, voilà. Bah, et la réponse à l'énigme après. Non, mais attends, je regarde là, Je regarde là. C'est pas une excuse. Si, c'est une excuse. Pour moi, c'est un petit intro pour le tir. Pas grave, ça sera. Non, mais tu ne t'aimes pas. Je peux retrouver la. Pour savoir lequel c'est. Non, parce que le dernier, j'ai pas. Les podcasts, les autres émissions, donc demain la spéciale, où c'est une rediff des émissions à la maison, enfin tu dis pas que c'est une rediff, mais émission années 80 demain, que mercredi prochain, la première de la classe. Et puis oui, voilà, les podcasts, on se retrouve la semaine prochaine, avec Pick Avenger, avec le thème, et passez une bonne nuit. Et... Oui, ouais. Par contre, attention, t'es en auto. Donc ouais, tout ce qui est autour. Et même tu auras le replay Twitch aussi, donc tu vois, les gens ils peuvent réécouter, mais ils peuvent aussi regarder, revoir, oui c'est mieux. Là l'émission sur Twitch, revoir. Ah ouais. Des fois tu sais quand tu prononces le truc tu sais que c'était pas Adèle. Un peu long, ouais. Non, il faudrait que je t'apprenne pour que tu puisses mettre un bed. Là en plus c'était à blanc donc ça paraît plus long. Attention, on y va. L'arme fatale de la pop culture, c'est les Peak Avengers sur Indestar. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Oui, pas encore trop vieux. Ça va, on s'en sort encore pas trop mal niveau âge. Donc, Indestar, donc. Radio-école, évidemment, donc on apprend aussi en faisant. et Daniel ce soir a du pas mal à apprendre aussi. Ouais. Ouais, ouais. Non, mais c'est intéressant. Vous savez que j'aime faire toujours des choses nouvelles, toujours découvrir, toujours apprendre. Et d'ailleurs, apprendre, c'est ce que l'on propose aux gens pour venir nous rejoindre, qu'ils nous apprennent avec nous, qu'on partage. Oui, si vous êtes sur Amboise ou du coin, n'hésitez pas à venir nous voir. Les studios sont ouverts. Il y a mille choses à faire. On peut faire partie du public comme on peut participer. Et puis, nous avons bricolé beaucoup dans ces studios. Donc, il y a aussi un petit coup de main pour monter les choses, retaper, etc. Oui, parce que ça, il y a pas mal de choses à faire quand même. Vous faites bien, en effet, de le préciser. Parce que la radio, ça ne se limite pas à passer de la musique et à parler dans le micro. Non, il y a de la peinture aussi. On passe aussi le coup de pinceau et autre chose. Mais c'est ce qui fait qu'on s'y sent bien. Parce que c'est, je peux pas dire que c'est une deuxième maison, mais c'est un peu comme ça puisqu'on a participé à ce que c'est et qu'on continue. Hein. Ah, tout à l'heure, j'ai eu peur, Thierry, quand t'as pris les dimensions du studio, je me suis dit, il va installer une mezzanine. Qu'est-ce qu'il va nous faire, ce con ? Non, en fait, c'est parce que j'ai lu il n'y a pas très très longtemps, ça devait être pas plus tard que ce matin, en fait, les dimensions d'une cellule pour savoir si on y met une personne, deux personnes, quatre personnes. Et donc là, je me suis dit, là aujourd'hui, on est plutôt à l'aise parce que ça correspond à peu près comme ça à quatre personnes. Mais bon, d'habitude, quand c'est plein, ça correspond à la réalité des choses, d'accord, où on entasse effectivement, puisque on devrait avoir pas plus de 4 personnes pour 20 mètres carrés, mais oui, on est en sur on les met où les gens, ben voilà, oui. D'où l'utilité de construire la mezzanine, c'est ça. Sinon on fait la prison à la maison. C'est ça, ouais. Alors je dis ça parce que en fait il y a plein de choses qui s'appellent prison à la maison. Si vous tapez ça sur le net, vous allez tomber sur des reportages, vous allez tomber sur un court métrage, vous allez tomber sur un film. Il y a énormément de choses, et dans les reportages il y en a pas mal sur les bracelets électroniques. J'ai regardé ça ce matin, j'ai trouvé ça très intéressant. D'accord. Qui sont aussi répandus aux États-Unis qu'en France, que n'importe où maintenant, bracelets électroniques. Ouais, et ça rend un peu dingue. Au-delà de 6 mois, paraît-il, il y a beaucoup de gens qui pètent un câble. S'ils n'ont pas pété un câble avant. Oui. Ouais. Le fait de devoir en permanence regarder le temps où tu es, mesurer. Oui. Donc nous, l'émission arrive à sa fin. Il faudra donner la réponse à la question posée. Ah oui, c'est vrai, je l'avais oublié déjà. Ah, le comble pour un policier. Oui. On oubliera, quel est le comble d'un policier ? Nous avons une réponse Twitch qui était manger des amandes. Et d'ailleurs, pour finir la réponse, vu que j'ai pas tout donné, et sûrement quelque chose avec la circulation. Pourquoi pas ? On verra ça avec les gendarmes. De grignoter des amandes avec l'ambiguïté sur les amandes fruits et les amandes que l'on met sur les pare-brises et prunes et autres. Hein, voilà, les prunes, etc. Et sinon, d'arrêter un oiseau parce qu'il vole. Voilà. Why. J'ai parlé de nom d'oiseau tout à l'heure, mais on peut aussi essayer d'arrêter un oiseau. Voilà. J'avoue que pas seulement avec des balles. Ouais. C'était de l'humour à deux balles alors qu'une seule aurait suffi. Ah oui. Génial, bien vu ça. Donc nous, l'émission arrive à sa fin. Donc si vous venez d'arriver. Ah, c'est dommage. Ouais, c'est vraiment dommage. Mais mieux vaut tard que jamais. On peut même vous faire un petit coucou vu qu'on est en live sur Twitch. C'est vrai. N'hésitez pas si vous voulez revoir l'émission, vu que là on peut le dire. D'aller voir les rediffusions de Twitch. Ouais, ça c'est possible en fait. Ouais, sur Twitch, tu peux aller, tu vas sur la chaîne et t'as voilà, les, et tu as des anciens lives. Ouais. Autrement, il y a toujours les podcasts sur indestar.fr. Et puis il y a les autres émissions qui arrivent. Alors justement, mercredi, on retrouve la classe, c'est ça Théo ? Yes, alors avant mercredi, demain, hein, si vous êtes là à partir de 21h, il y a la spéciale années 80. Le tour, on a fait une spéciale années 2000, on est reparti beaucoup plus en arrière, années 80 quoi. À la place de Retour vers le futur, vous avez fait Retour vers le passé. Voilà, mais à l'époque de Retour vers le futur, c'est ça qui est drôle. Ouais, c'est ça qui est fun. Donc, demain, donc émission spéciale comme tu viens de dire, mercredi, émission La Classe. Ouais, alors pour en dire un petit peu plus, en fait, on va se retrouver dans un collège, mais un collège qui sera un petit peu spécial, tu vois, parce que bon, vous avez peut-être les souvenirs des collèges avec des profs qui font leur cours de manière très, comment dire, très stricte, très linéaire. Bon, là, on sera certainement avec des profs un peu plus farfelus, avec des élèves aussi qui foutent un peu plus le bordel, mais on aura quand même des choses du vrai programme scolaire, et ça sera le programme de 5e, donc voilà. D'accord. Vous pouvez vous attendre à des petites révisions si ça fait longtemps que vous êtes allé au collège. J'aime beaucoup les livres de 5e. T'as les bases pour tout. C'est vrai. Ah, mais moi, je les utilise avec beaucoup de gens de tout âge, en fait, quand ils ont besoin de consolider les bases. Les livres de 5e qui sont jamais faits entièrement, en fait, t'as vraiment les bases de beaucoup de choses. Ouais. Puis il y aura des cours assez novateurs, style écologie, quoi. Ah, j'avoue qu'en cinquième, c'est t'avais bien. T'avais pas ça, toi. Hein, ah oui, non, j'avais pas ça. Non. Qui apparaît maintenant très très tôt comme option dans beaucoup de filières. Bah oui. D'accord. Pour savoir qu'on va tous mourir. Non, mais nous, tout ce qui est nature. Donc nous, semaine prochaine, pour Peak Avenger, on va se retrouver pour une émission un petit peu particulière, vu qu'on va parler de Louis de Funès. Oh, ma biche. Tiens, on a mis les rats. Alors, ceux que vous connaissez, mais peut-être d'autres choses aussi. Oui, des surtout choses qu'on ne connaît pas un forcément petit peu plus aussi. Cachées. Et Louis de Funès sera notre invité. Non, mais j'ai vu qu'ils ont fait ça à la télé. Ils ouais font revenir des gens morts. Vous avez vu ça? Non, j'ai pas vu. Mais avec pas les vu. Avec les hologrammes déjà en concert. Oui. Ouais, mais c'est un concept. Alors, je sais plus comment c'est Ruquier, je crois, qui fait ça. Mais j'ai pas la télé. Mais ils font revenir des personnalités. En fait, ils refont des interviews de personnes qui sont décédées. Ouais, c'est fou d'être arrivé à ça. Et ce qui est fou, c'est que c'est celui-là qui a pas la télé qui dit aux autres qu'on l'a télé, mais les autres ne savent pas. Parce que j'ai vu l'info. J'ai trouvé ça ouf, en fait. Alors, on sait plus où est le vrai du faux Traffic 2 maintenant. Oui, c'est ce qu'on appelle le deep face. Oui. Sauf sur. Tu veux dire tu l'approfonds quoi. Alors, c'est pas exactement la réduction, mais oui. C'est pas la même chose. Donc, dans la gueule est bien profond. Nous, après, je pense qu'on va pouvoir se laisser en musique. On se laisse? Oui. Comme un chien, quoi. Ok. Ah, va falloir qu'on détache Pika, au fait. Oui. Oui. Le pauvre. Ouais, vu que le pauvre, il est toujours. Parce que lui. Et voilà, c'est bon. Pika, il s'est évadé. Il peut même pas appeler le 17 là. Non, c'est bon, il s'est évadé. D'ailleurs, il croit pas, il bouge même pas, il croit pas qu'il est détaché. Oui. Il reste attaché à une des stars. Donc, on va se laisser avec Joe Cheer. Cheerleader. C'est Cheerleader. Les pom-pom girls. Hein. Oui. En American. Oui. Donc, merci à ceux qui ont été sur Twitch aussi, quand même. Bah, yes. Bah, faut oui y penser pour quand la même. Première. Voilà pour la première. Donc... Tiens, au moins 300 000. Non, mais avec le replay, faites-le savoir si ça vous a plu. Oui. Invitez les copains. Voilà, et puis appelez-nous. Hein. Oui, appelez-nous au 09 70 407 306. Comme ça, on pourra discuter de voix de à voix. De Funès, de. Oui, voilà, si c'est la semaine prochaine. Si vous on pourra savez discuter de imiter un petit peu les trucs déjantés de Louis de Funès un peu mieux que nous, ouais, vous n'aurez pas de mal. Moi, je suis plus Bourville en imitation que Louis de Funès. Alors, moi, je m'y risquerais pas que ce soit l'un ou l'autre. Ah ouais, bah, c'est facile pour Bourville. Bah oui. Ouais. Comment on va faire maintenant? C'est ça. Oui, c'est ça. Oh, qui a dépendu mon pendu? C'est quoi ça? De Funès. Dans Fantomas. Ah contre... oui, c'est vrai. Oh, contre Scotland voilà Yard. Oui, c'est ça, pour le dernier. Donc, après ces imitations plutôt foireuses, on va vous dire à la semaine prochaine. Yes. Pika, pika. Pika, pika. Et donc, gros bisous à tous. Des bisous. Des bisous. Gros bisous à tous. Les podcasts Indestar, toutes vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, sur indestar.fr et sur toutes les plateformes Internet.